Bienvenue dans cette salle. Pour la satisfaction de tous, nous voudrions vous rappeler les règles suivantes. Défense de parler. De fumer. De jeter des ordures. De manger de la viande rouge. De choisir sa religion. Et n'oubliez pas, tous les mariages doivent avoir l'approbation du ministère de la Santé. Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Hitler, les filles et les fils de l'Écosse sont aujourd'hui debout. Les moutons ont passé la porte. Ils sont bons pour l'abattoir. J'ai l'impression de couler de plus en plus vite dans des sables mouvants. Je vois tout le monde autour qui meurt. Leur agonie est longue et cruelle. Bon spectacle. Bon allez, c'est bon, c'est bien. Ça y est, tu peux respirer. C'est bon, bon, allez, c'est bon, on est chaud, on est parti. Un peu de sérieuxité. Bon allez, bienvenue dans le nouvel épisode de Podcorn. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo, enfin d'adaptation de jeux vidéo. Ce qui est pas toujours que. La gueule. Grosse ambiance. On avait dit jeux vidéo. Ouais, jeux vidéo, pas que, mais genre jeux vidéo. C'est toujours bien, toujours, Mira. Ce qui est toujours gage de qualité, vous en conviendrez tous. Oui. Autour de cette table. Toi l'intello, hein. Ça va bien. Ouais, donc autour de la table, on a Émilie, donc un petit peu la sorcière du podcast. Bonjour. Ah oui, oui. On a Rat, le professeur Letton. Je spoil le mot. On a Wally, le combattant du dimanche. Oui, on peut dire ça. Je l'avais pas celui-là du coup. On a Héloïse, le champignon. Les ferrucles. La mycose. Voilà, et Julien, bah. Salut. Le mec normal, quoi. Celui qui a du sang de la glace mais dans les veines. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc en plus, on va pas trop le. Non, c'est mon anniversaire. C'est son anniversaire, il va prendre cher. Envoyez tous les cadeaux pour ceux qui écoutent. 1 euro à chaque fois, à chaque écoute. De... Non. C'est pas le Téléthon non plus, hein. Bref, donc voilà. Ça fait peut-être du bien, tu me diras. Bah, oui. Marc. C'est vrai. Il manque de l'argent. Bon! Donc voilà, pour vous, ce serait quoi une adaptation de jeu vidéo réussi? Ou un exemple d'une qui est réussi, si vous en avez une sous le coude? Aucun des films qu'on a choisi. Si, bah si, si, Mortal Kombat, moi, c'est réussi. Ouais, Mortal Kombat, c'est une adaptation réussie, c'est vrai. Moins gore, oui, mais bon, dans l'idée, on a oui, le genre mort. Dans l'idée. Un film qui n'est pas que les noms des personnages de jeux vidéo. Pour qui ne soit pas du fanservice. Ouais. En gros. Ouais, m'étonne. Tu penses à un film en particulier? Ah oh, non. Non. Allez, dis-le, crache le nom. On verra après. Laisse-moi tranquille. D'accord. Méchant. Moi, je dirais juste un film qui soit pas du football. Voilà. Ouais, ça, c'est super référence. Bah oui, bah c'est la meilleure en adaptation de jeux vidéo. Tout ce qu'il faut pas faire, il l'a fait. Bon, bah alors du coup, on va attaquer sérieusement. On va prendre les deux intellos en premier. Hein. Qui, moi? Non, toi, tu vas passer en dernier. Toi, niveau QI, Julien, tu passeras le dernier. D'accord, ok. Donc, on va commencer par Émilie. Ok. Ça y est. Ah, elle est à côté de moi, écoute. Attends, bah, moi aussi. Oui, mais toi, t'es con. Sympa, hein. Moi aussi, ça fait pas l'ambiance. Joyeux anniversaire. C'est pas que ton anniversaire, c'est aussi ta fête. Ok, ah bon. Deux semaines. Alors, donc, je vais vous parler de Silent Hill. Donc, c'est un film qui est sorti en 2006. Je n'ai pas joué aux jeux vidéo, donc je vais parler que du film. Mais je suppose que ceux qui ont vu le jeu vidéo en parleront après. Donc, ce film a été réalisé par Christophe Gans, qui est un Français, qui a notamment... Gans. Le monsieur, il te dit Gans. Gans. Christophe Gans, voilà, de France. Pas très français, ça, Gans. Christophe Gans. Gans. Et il a notamment réalisé Pacte des loups, Belle et la bête, voilà, pour ceux qui pour le situer. Et Craig Freeman, tu vois. Craig Freeman. J'y reviendrai, du coup. Le scénario, c'est un Canadien qui s'appelle Roger Avary. Un ancien scénariste de Tarantino. Voilà, merci. Et en acteur, on a Radha Mitchell et principalement Sean Bean. Et il ne meurt pas. Il est seul fois qu'il meurt pas. Lui, il a joué dans GoldenEye et aussi dans Le Seigneur des Anneaux. L'histoire du cinéma, par contre, dans ce film. Oui, c'est vrai, il sert à rien. Ah, d'accord. Oui. Les producteurs ont dit qu'il y avait trop de femmes. Bon. Voilà, ouais, et il m'a un peu rajouté, mais c'est vrai qu'il sert à rien. Mais il meurt pas. La chronique de. Bon, on va la pas emprunté. La chronique de. Non, mais elle est énorme là-dessus, quoi. Avec les. Pendant ce temps-là, les aventures de. De Boromir. On continue en chaîne. Alors, laisse-le délirer, ça. Non, j'écoute, j'écoute. C'était énorme. C'est vrai que les chroniques de Dommage, on va souvent en parler, je crois. Oui, oui. Ça étoffe, ça étoffe. Donc, c'est une. Ce n'est pas une adaptation du jeu. Du même nom. À proprement parler, voilà. Il y a eu un deuxième Silent Hill qui s'appelle Révélation, sorti en 2012, mais apparemment c'est pas. C'est nul. Voilà. C'est ce que je l'ai pas vu. J'ai vu et. Moi j'avais envie de le voir, mais je l'ai pas vu. Bah tu m'aurais dit, je t'aurais pris. Le 1 se suffit à lui-même, je pense, parce qu'il est déjà bien. Ouais, le 1 il est bien rodé quand même. Donc en fait, l'histoire, c'est une petite fille de 10 ans qui s'appelle Sharon qui a été adoptée par. Comme toi, Julien. Petite fille de 10 ans, mais ça va aller. J'allais la faire en plus. Oui, je te vois. C'est comme ça, c'est comme ça. Qui a été adoptée. Je vais avoir des problèmes. Hein. Et en fait, il s'avère qu'elle a des comportements étranges. En fait, elle fait du somnambulisme. Et elle parle toujours d'un endroit, Silent Hill. Et c'est de là où elle vient, en fait. Donc, elle parle tout le temps de. Elle fait des cauchemars, elle fait des trucs un peu bizarres. Et en fait, sa mère, Rose. Décide de, à l'encontre de l'avis du père de retourner sur les lieux de là où elle est adoptée pour essayer de comprendre un peu plus pourquoi elle est si bizarre. Donc elle y va avec sa fille, voilà, et à un moment donné il y a un accident non loin, enfin presque à l'entrée de Silent Hill avec une policière motarde, alors je sais plus si j'ai son nom à elle. Une policière motarde. Ouais, la motarde. La motarde. La motarde. La motarde. Et donc en fait, ils se retrouvent toutes les trois dans la ville. Et voilà. Elles se retrouvent surtout à deux dans la ville. Oui. La petite fille, elle a disparu. Voilà. En fait, il y a un accident, donc la mère, elle tombe un peu dans les vapes. Et quand elle se réveille, elle ne voit plus sa fille. Donc elle va à la recherche de sa fille dans la ville. Donc voilà. Et puis c'est tout. Ouais, on a dit on spoile pas. Voilà. Surtout que spoiler Silent Hill, ça va être complexe. Hein. Il va falloir rentrer dans les détails et tout. Ça va être... Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est ces décors qui changent tout le temps, cette espèce de comme s'il existait une faille spatio-temporale en fait. Et à un moment donné, il y a son mari qui essaye de venir les chercher, et en fait ils sont exactement au même endroit, mais ils se voient pas. C'est plus les mêmes décors, c'est plus. C'est dans une autre dimension en fait. C'est assez. En fait. Exactement. Et le jeu est très très bien fait, notamment à un moment donné avec il y a un jeu de caméra, un jeu de lumière, c'est hyper bien fait. Où on voit Rose, on voit son mari, on voit. Enfin, c'est hyper bien réalisé en fait. Et donc voilà, donc en fait, à la base, Silent Hill, c'est un jeu vidéo qui est sorti en 99. Et il a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Et en fait, c'est pas un nouveau dans le genre, mais c'est beaucoup plus psychologique que de l'action, en fait. C'est un jeu vidéo. C'est le pendant psychologique de Resident Evil. Exactement, ouais. Et Alone in the Dark aussi. Oui, mais Alone in the Dark, moi, non, on est encore assez éloigné. Alone in the Dark, c'est un jeu d'aventure énigme. Oui, mais apparemment, ils le mettent plutôt aussi dans le psychologique que l'action. Voilà. Pour le petit truc sympa, l'affiche de Silent Hill, c'est une gamine avec son bouche, en fait. La bouche qui n'est pas apparente. Et en fait, on t'a entendu Julien dire que c'était bien dommage. Elle a 10 ans, la gamine. Elle a 10 ans. Et en fait, l'affiche a fait l'objet d'un concours. La personne qui a réalisé l'affiche a reçu 2 500 €. C'était un concours sur. Mais ça fait pas lourd. Hein. Ouais, c'est clair, c'est rasant. Moi, je l'ai de bien. Oui, En tant que graphiste, je les veux bien, quand même. Une affiche qui a fait le tour du monde et qui a été reprise sur un film comme ça, c'est rien. Ouais, mais c'est toujours mieux que de rien avoir. Oui, du comme ça, c'est sûr. Oui, c'est mieux. C'est un concours, c'est un concours. Par rapport à une affiche normale, il a été payé des copinettes. Hein. J'ai fait des concours, j'ai gagné un livre sur le Beaujolais, tu vois. Oui, mais t'as pas fait une affiche qui a été diffusée dans tous les cinémas. Non, c'est vrai. Parce que Silent Hill a une grosse diffusion. Quand même. Mais tu dis 50 centimes par ticket de cinéma. Plus même de 1 centime par affiche, je pense que tu gagnes plus que 2500 balles. C'est sorti des DVD, c'était la jaquette des DVD aussi. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est léger. Mais peut-être qu'elle a eu des royalties. Peut-être que la personne a eu des royalties. Hein, après, mais 2500 euros, tu craches pas dessus. Voilà, c'est ça. Ça sert rien à foutre. C'est du bruit. Le torche avec. Toi, j'avais plus de papier toilette. Je fais des post-it avec. Billets. Alors là, y a Carole Spear qui a beaucoup travaillé avec Cronenberg et qui a travaillé donc sur Silent Hill, notamment sur les décors. Voilà, on retrouve bien l'univers un petit peu bizarre de comme on peut voir dans La Mouche ou enfin voilà, c'est des univers un petit peu pas glauque, un peu glauque. Déliquescent. Voilà. Chercher un mot bien. Ouais, t'as pas ton dico à côté de toi. Ah non, justement, j'ai déliquescent, mais après j'ai. C'est déliquescent, n'est-ce pas? Bah quoi? Je veux pas parler tout le temps de pédophilie, Julien. Qu'est-ce qui t'a le plus spécialement dans ce film? Si t'as mal. Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est vrai que j'ai tout voix de téléphone. T'as plus d'un film. Qu'est-ce qui t'a marqué? J'essaie de relancer là. Sinon, ça va être dur ça, cette émission. Ce qui m'a plu, c'est le. En fait, on s'ennuie pas du tout. C'est-à-dire que. On passe sans arrêt d'une ambiance à une autre. Elle est dans une pièce, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un suspense. Mais ouais, c'est un peu seul. Allez, Louis, arrête de faire la couillonne. Il a fait rigoler là. Ouais, quand c'est pas Julien qui dit des conneries, c'est Louis qui s'y met, mais à un moment. Non, on s'en met pas. Il y a un côté. Ah, bon. C'est un scénario qu'on a rarement vu. Bah, si, en fait, on a souvent vu. Et puis là, en plus, il avance dans la zone. À chaque fois qu'elle parle, non, mais t'as l'air à côté. Bah, si, n'importe quoi. Vraiment débile. Le scénario, c'est pas des fois. Raconte pas de conneries, merde. C'est le premier film que tu vois, bah, là. Non, mais on le voit pas, mais dans des séries plutôt que des films. Je sais pas, parce que le scénario est assez basique, quand même. Bah. Gamine qui disparaît avec. Où t'es dans un même endroit et. Oui. Où t'as deux personnes dans un même endroit qui se voient pas. Ça, vas-y, c'est pas beaucoup de films. Bon, j'en ai pas. Bon, bah voilà. Donc, Oh, ouais, bon, ça va. Merde, ça va chier là. J'en connais un comme ça, Les Autres. Ouais, ah, Les oui. Autres, ouais. Comment Sixième Sens. Au final, ça en fait quand même que deux. Beaucoup moins. Oui, bon, c'est pas mal. Ouais, non, mais là, c'est pas pareil. Non, puis ça avance juste, elle va à un endroit, elle trouve le plan de la ville, elle va à un autre endroit, elle trouve autre chose. Sixième sens, il voit des morts. Ben non, et t'as spoilé Sixième Sens, imagine ceux qui l'ont pas vu. Oh, c'est un bip, un bip. C'est très un bip. Chérie, quelquefois quand tu dors, tu marches. Et quelquefois, tu parles d'un endroit. Je ne me souviens pas. C'est pour ça que nous allons y aller. Pour que tu puisses te souvenir. Sharon a disparu. J'ai besoin que tu m'aides. Ça va pas. Je t'en supplie, viens vite. Le feu a pris il y a 30 ans. Sharon ! Je comprends pas ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe, vous ? Cet endroit est coupé du monde. Seule la force obscure peut ouvrir et fermer la porte de Silent Hill. Hey ! Où est-elle ? J'essaye de trouver ma femme. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Sharon. Pourquoi ? Rose, vite ! Rose, dépêche-toi ! Ils arrivent ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh ! Oh ! retrouver votre fille, vous devez affronter les ténèbres de l'enfer. Ça va aller, ma chérie. Maman arrive. Tu mets un bip, tu mets une pub. Bah moi j'ai adoré aussi. J'ai adoré. Mais autant t'as pas demandé. Bah c'est tout. Le mec, celui-là. Mais hop là. Moi par contre j'ai trouvé qu'il était pas assez long. T'arrives trop vite à la fin, je trouve en fait. Ah mais ça c'est à la fin, oui, pourquoi. T'arrives trop vite, tu sens qu'il y a une accélération pour finir le film. C'est un peu dommage, franchement, ça, il était vraiment bien, quoi, l'univers, il est bien l'ambiance, c'était immersif. On ferait bien en escape game, quoi. L'esthétique est géniale, ouais. Les moments trash sont terribles, ouais, c'est hyper low, quoi, c'est hyper flippant, ça marche vraiment bien. Et ça m'a mérité plus, quoi, que... Je comprends pas, c'est un peu bâclé au niveau de l'histoire. Ouais, c'est un peu confus, c'est un peu à la va-vite, quoi. Non, à la va-vite, non, parce que c'est déjà compliqué à expliquer, alors ouais. En plus... Justement, ça a mérité qu'il soit plus long pour prendre le temps de poser, en fait, l'histoire. Et puis, ouais, de virer les passages avec Boromir qui servent à rien, quoi. Ah, Boromir... C'est vrai que ça détruit le rythme. Pyramid Head, il sert à rien non plus dans le film. Qui ça? Pyramid Head, il sert à rien. Mais c'est génial, il est génial. Oui, il est génial, mais il sert à rien. Non, mais si, là, il apporte du frisson dans... Oui, mais... Puis il casse pas forcément le... Au contraire, il met du rythme. Il met une pression, mais scénaristiquement, il apporte rien. Non, mais c'est parce que sinon, c'est pas expliqué, quoi, tu vois. Enfin, il y a rien qui est... Parce qu'il a pas... Enfin... Ouais. Puis ils disent aussi, il y a pas beaucoup d'âmes dans le film. Enfin, au départ, il y avait même pas le père de famille. Oui, il y avait pas Boromir, ouais. Ouais. Bah, écoute, pourquoi pas, hein. Bah, c'est vrai que ça aurait pas tué le film qu'on voit moins Sean Bean au final. Bah, franchement. Parce qu'à chaque fois qu'on le voit, à part la scène effectivement où il est au même endroit que sa femme, mais pas dans le même univers qui permet de bien voir ça. Cette scène est super cool. Et le reste, après, quand tu le vois, il prend sa voiture, il va s'alimenter. C'est vraiment du plan bidon en plus. Même visuellement, quoi, c'est inutile. Non, ça casse trop vite. Encore, il les rejoindrait à un moment, ce serait le héros de fin qui vient les sauver. Non, mais il y a rien. Ouais, ou même sur les sauver, tu sais, il les rejoindrait qu'à la fin, genre la cavalerie arrive toujours ouais, à c'est la ça, fin. Ouais, c'est ça. Disons, voilà. Il y a un truc quand même. Toujours un bonhomme qui arrive après la fin de la guerre, quoi. Bah voilà. Exactement. Ouais, toi, Wally, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, j'ai adoré. Mais le seul truc que je comprends pas, c'est le plan de fin sur les buissons. Ouais, le fameux truc. J'avais compris ça. C'est vrai. C'est effrayant, les buissons. C'est les citadins, la nature. Voilà, c'est ce que derrière. Voilà. C'est trop de blagues pédophiles, hein, déjà. Attends, on a 15 minutes, 20 blagues pédophiles, on va péter le ratio. Julien, tu reviens pas le mois prochain. Oh, très bien, c'est cool. Non, mais c'est toute la fin. C'est trop musical. Toute la fin et... Mais c'est rusher, comme on l'a dit, c'est rusher. Ouais, c'est un peu rusher. Non, toute la fin, les 3 dernières minutes. Qui va directement à l'église et c'est rusher. Il fallait plus de déménagement, tout ça. Et toi, Edo, tu l'as vu? Je l'ai vu. Effectivement, il était pas mal glauque dans certains passages, mais pas mal, ouais. Effectivement, le bonhomme, il sert à rien là-dedans. Bah non. C'est juste pour dire, oh, je suis un homme et tout ça. Ah, c'est la mère qui porte la culotte, hein, c'est clair. Ouais, comme d'habitude. Ouais, puis même, ça, féministes, même la fliquette, que c'est cool d'un personnage de flic. C'est rare quoi, que le chef du camp soit une femme, ça c'est très rare. Après, on va parler un peu du vidéo. Le jeu vidéo s'est un peu inspiré de l'échelle du Jacob. Il l'a vu. Bah non, on l'a toujours pas vu. Il est toujours sous blister là. Des gens de la fille à voir. Faut pas spoiler, oui, mais c'est un super bon film. Bah, tu dis quand tu regardes après, t'as plus moral, alors on va attendre un petit peu d'être déjà un peu plus bas comme ça. Enfin, en décembre déjà, mais en novembre. Voilà, on va attendre janvier. On va attendre juillet. Les créateurs du jeu ont inspiré de ce film-là et de plein d'autres. Et puis après, ils avaient un univers visuel qui s'inspirait à chaque épisode d'un peintre spécifique. Dans le 2, il y avait Bacon, et le 3, je sais plus comment ça s'appelle. Bruegel, je crois. C'est une série Silent Hill, d'accord. D'accord. Bon, l'échelle de Jacob, c'est pas une série. Oui, c'est pour ça que je prenais ça. D'accord. Ouais, toi, Julien, t'as vu le film? Oui, j'ai vu, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et c'était bien? C'était sympa, belle ambiance. Moi, c'est ça, c'est l'ambiance. L'ambiance générale, en fait. Le côté des deux. Elle présente pas mal le jeu vidéo. Après aussi, dans les nouveaux mouvements des caméras, Christopher Gans a pris les premières scènes de Silent Hill dans le jeu. Après, il fallait jouer. C'est une belle ambiance. Et ça m'a plu, mais Gans, c'est un bon sens du cadre, quand même. En général, l'image est chouette. Après, on sent qu'il a joué au jeu vidéo avant de... Après, j'ai pas trop joué à ce jeu vidéo, donc j'étais moins sévère que Quentin. Moi, j'ai un peu joué sur tous les deux, et c'est vrai que Pyramidel, il a pas sa place dans le film, malheureusement. C'est un personnage qui est lié au personnage du 2, et c'est tout. Mais c'est vrai que ça fait un bon croque-mitaine quand tu connais pas le... Ça, en fait, c'est pas un boss de quand fin. Quand tu connais pas le jeu, ça fait un bon coup de pression derrière. Ça fait un petit peu du fanservice, mais ça marche quand même. Contrairement à d'autres films qui font du fanservice, et ça marche pas. Oui. Même à côté de ça, en termes d'esthétique, il était pas mal, rien que le coup de les tombées de cendres à chaque fois. Oui. Ça, c'est chouette. C'est vrai, ça c'est bien fait. Ou quand ça passe dans le monde de rouille aussi. C'est ça, quand la sirène retentit et que change de monde, c'est super bien foutu. Les designs des costumes et tout sont terribles. Les créatures sont waouh. Et puis franchement, la fin avec l'espèce de bondage barbelé, là, ça marche bien. Il y avait 5 studios différents pour recréer chaque. Ouais, c'est pas étonnant parce que les décors ils sont quand même assez costauds. Il vieillit bien, franchement, c'est bien fait. Déjà, le pacte des loups à l'époque était cool. Même là, il est repassé il y a pas longtemps, il a bien vieilli. Tu te rends compte qu'il a 20 ans. Avec Marc Dacascos. Alors, même Double Dragon, sa sortie, il était déjà vieux. Ah, c'est pour ça. Mais, avec Marc Dacascos, sans transition. Ah oui, t'inquiète pas, on va y revenir, Marc Dacascos. Marc. Ah, c'est Marc. Heureusement qu'il a eu Christophe Gans, hein, ça l'a posé. C'était quoi cette série à lui quand The Crow. J'avais bien aimé. Ça a duré qu'une saison. Bah oui, en même temps. Mais j'ai bien aimé. Ok, je confonds tout. Dommage qu'il a raté cette carrière. Il a arrêté. C'est 4 ans que tu passes à baiser, à faire des conneries et à expérimenter des trucs. Alors moi, je me suis attaqué à un film que même Debache n'a pas voulu daigner s'attaquer. C'est pas franchement une adaptation. Parce que tu sais pas trop, c'est pas censé être un thème adaptation aujourd'hui, mais un thème jeu vidéo. Il a peut-être des coups, c'est moi qui ai fait le thème quand même, merde. C'était le jeu vidéo. C'est que vous avez tous choisi des adaptations de merde, vous avez dit c'est un thème d'adaptation. Bref. De dark, comme on t'a dit, pour faire chier. J'ai choisi un film nippo-polonais sorti en 2001 de Mamoru Oshii, connu pour avoir créé notamment Ghost in the Shell et Pat Labor. Ça s'appelle Avalon. Avalon. Moi je dis Avalon, c'est mieux. J'ai fait un résumé du début jusqu'à la fin, donc je vais spoiler. Non, tu vas pas être avant. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme nommée Ash. Merci, Rap. C'est un bon résumé. Voilà, bon résumé. Ah, et donc, c'est une bombe. Oui, c'est une belle femme. Oh, elle est belle, celle-là. Ouais, bof, ça. Ouais, quand même. Ouais, même lui, il s'est marié. Oh merde. Non, c'est pas plus tard, c'est ça, la cité à concilier. C'est les grosses têtes, quoi. Alors donc c'est une l'histoire d'une jeune femme nommée Ash vivant dans un monde. C'est déjà assez chiant résumé comme ça, j'ai choisi un film chiant, alors ferme le joueur, je me concentrais. Allez, hop. C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Ash, vivant dans un monde dont on ne sait ni on ne voit grand chose, mais dont on comprend qu'il doit être assez pauvre et triste. Donc c'est important qu'elle soit triste. L'univers est gris et les couleurs sont dénaturées. Désaturées plutôt, non? J'ai dit désaturé. T'as dit dénaturé. Elles sont dénaturées aussi. Saturées, désaturées. On ne sait rien de l'héroïne, si ce n'est qu'elle vit seule avec son chien, un basset. C'est le chien de TéléZ. Et le chien de Colombo, oui. C'est un basset Hound. Un basset Hound, exactement. Voilà, et qu'elle sourit pas beaucoup et qu'elle a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis. Et peu de contacts humains. Et donc, son seul lien avec son monde a l'air d'être son chien pour qu'elle dépense tout son argent en nourriture. Et on comprend que ça coûte très cher dans sa société, qui a l'air d'être une société d'après-guerre assez dévastée. Elle gagne apparemment très bien sa vie en jouant à un jeu style FPS, un jeu de guerre nommé Avalon. Alors c'est quoi FPS, Raph ? Un jeu de tir à la première personne. Doom-like. First-person shooter. Donc nommé Avalon en l'honneur de l'île légendaire qui a accueilli la dépouille du roi Arthur dans la légende de la Table Ronde. Donc c'est un jeu dangereux où une trop forte exposition au jeu peut griller le cerveau et faire tomber les joueurs dans le coma. Ça se joue dans des sous-sols clandestins, menés par un maître du jeu qu'on ne voit apparaître que sur des écrans. Dans le jeu, donc c'est repris. En gros, il joue Atmosphère. En gros, il joue Atmosphère. C'était le truc avec une personnage qui décrépit au fur et à mesure. Ouais, qui parlait à l'écran. Ouais, je me souviens. C'était une révolution à l'époque, ce jeu. Ah ouais. Donc le jeu est présenté par des zones de guerre, donc dans une lumière verdâtre, un peu sépia par moment, donc avec un jeu de guerre avec des ennemis style char d'assaut à abattre pour compléter les missions. Elle, c'est une guerrière qui joue seule, qui refuse d'être en équipe, et on comprend vite qu'elle c'est une des meilleures joueuses du jeu, et elle évolue en classe A, qui est le plus haut niveau du jeu. Un jour, un nouveau joueur apparaît et fait le meilleur score qu'elle. Donc, jalouse, elle cherche par tous les moyens des informations pour le localiser, pour savoir qui il est. Son succès, jusqu'à ce qu'il vienne sonner à sa porte. Et en fait, il lui propose de rejoindre son équipe pour chercher l'entrée de la classe spéciale A. Mmh. Qui est en fait une rumeur parmi les joueurs, comme quoi il y aurait une classe encore au-dessus, cachée, accessible pour les meilleurs joueurs. Où il serait impossible de sortir en faisant reset ou sans en fait la seule façon de sortir c'est de finir l'émission, de réussir l'émission et où on gagnerait donc un maximum de points là-dedans, donc un maximum d'argent donc dans cette société où les gens sont majoritairement extrêmement pauvres. Elle accepte d'y aller pour parce qu'elle sait qu'un de ses anciens camarades des Wizards, son ancienne équipe, est bloqué dans le jeu, fait partie de ce qu'on appelle les non-revenus, les gens dont le cerveau a donc grillé, sont dans le coma, et il est bloqué dans cette classe spéciale. Donc je vais m'arrêter là. Pour ne pas spoiler. Mais ça fait déjà les trois quarts du film, ça. Non, mais c'est déjà bien. Hein. Honnêtement, ça a fait les trois quarts du film. Écoute, qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu ? J'ai choisi ce film parce qu'au final, il est pas si connu que ça, on en parle pas souvent. Moi, je l'ai connu parce qu'on me l'a offert à sa sortie en DVD quand il est sorti en 2001. Articule ! Quel âge j'avais ? Ta gueule, toi ! Quel âge j'avais en 2001 ? Je sais plus. Bon, bref, j'étais ado, quoi. J'avais 16-17 ans, bon, l'heure. Et En fait, c'est pour ça que le podcast tourne mal, toujours, c'est que t'interromps tout le temps les gens, c'est insupportable, tout ça, pour après nous faire une chronique d'une demi-heure sur les clowns tueurs venus de l'espace. C'est toujours une chronique de court. Je te jure, mais franchement, là, pitié, quoi. Donc, ce film, je serais incapable de dire si je l'aime bien ou si je le déteste. Il est bourré de bourré de bonnes idées. Il y a une esthétique qui est super. Il y a une très belle lumière. Faut savoir que le jeu a retouché à plus de 80% numériquement, image par image, y compris les expressions faciales des acteurs, en fait. Ce qui en fait, du coup, une vraie réflexion sur le médium du jeu. En fait, c'est un film très de jeu, mais qui a retouché et traité comme un jeu. Donc, est-ce que c'est encore un film? On ne sait pas. C'est entre les deux. Donc, ça parle clairement de la frontière entre le virtuel et le réel, où au final, les joueurs se réfugient dans leur jeu pour échapper à leur réalité. En même temps, c'est leur seul moyen de s'en sortir dans la réalité. Et ils sont mieux dans la. Enfin, bref, c'est. La frontière est toujours très mince entre les deux, et ça, c'est très intéressant. Il y a un esthétique très chouette, des effets spéciaux qui sont très particuliers. C'est bourré de ralentis, d'accélérés, d'arrêts sur image. C'est très onirique, c'est coupé avec tantôt musique électro, tantôt musique classique, avec chants lyriques, d'opéra. C'est très perturbant, en fait. Il y a plein d'effets de style qui vont pas forcément toujours ensemble, qui sont tous indépendamment très cool, mais qui donnent un rendu extrêmement particulier. C'est difficile d'adhérer. C'est un film qui est très difficile de rentrer, qui est très lent, qui est glacial. Les acteurs sont froids. On pourrait dire que c'est chiant. Et c'est, en fait, je peux pas dire que c'est chiant. C'est pas chiant, c'est pour rentrer dans l'univers. C'est très dur de se mettre dedans. C'est clairement pas un film à regarder crever à minuit, tout. C'est vraiment très dur. C'est un vrai film d'auteur, c'est un vrai film artistique, pour le coup. C'est à voir, pour la culture visuelle. C'est vraiment à voir, parce que pour le coup, on dit souvent ceci est un ovni, ça c'est un ovni. Un vrai de vrai, c'est pas un film what the fuck, mais non, c'est juste un ovni, ça ressemble à rien, c'est incomparable à aucun autre film. Et j'aime bien, mais ce qui me dérange, c'est en fait, je trouve que j'ai toujours une impression, paradoxalement, de non fini, alors qu'il est extrêmement retouché. Mais je trouve qu'en fait, tu vois toutes les intentions du réalisateur, tous les effets esthétiques, tu les vois, tu dis, ah ouais, tiens, là, il fait ça, là, il fait ça. Non, dans un film, quand il a réussi, c'est une immersion, tu t'aperçois pas, tout ça, c'est vraiment en y réfléchissant dessus, tu vas comprendre la lumière, comprendre le monde, là, tout est visible en fait. Ouais, mais en même temps, vu qu'ils veulent te faire réfléchir sur le média du jeu vidéo. Mais c'est pour ça que c'est ta place de spectateur est vachement compliquée du coup, ce film en fait. Et d'où comme. En fait, que, aussi le scénario est un. Complexe. Il est complexe tout en étant extrêmement simple. Je trouve que c'est une démarche de court-métrage en fait, dans le sens où dès le début, t'es pas perdu. Tu sais qui est l'héroïne, tu sais comment elle s'appelle, tu sais ce qu'elle fait, tu sais dans quel genre de monde t'es, mais t'en apprendras pas plus. T'en apprendras pas plus sur le jeu Avalon, comment il est construit, comment on gagne vraiment de l'argent, pourquoi on gagne de l'argent comme ça. Tu comprends, t'en apprendras rien plus sur la réalité, pourquoi c'est un univers qui a l'air post-apocalyptique, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu une guerre, est-ce que c'est un pays de l'Est, très pauvre, tu sais rien quoi, tu sais rien. T'as un minimum d'informations pour comprendre et t'en auras pas plus en fait. Voilà, mais c'est pour te faire réfléchir, pour tout le temps trouver les fins ou les trucs comme que voilà, moi ce film là c'est sensitif quoi, tu regardes ce truc là, voilà, tu sens des trucs, pas comme un boxeur ou un truc comme ça, c'est voilà, c'est du Mamoruchi. C'est un film onirique en fait, et c'est ça, après ça place dans un musée limite plus que cinéma quoi. Ouais. c'est à part et je le conseille parce que c'est à voir, parce que ça ressemble à rien d'autre. Quelqu'un d'autre a vu ou nous deux? Moi j'avais réussi à finir, moi j'ai toujours empilé devant. Bon, on est deux. Ah oui, bon. Et moi j'ai pas envie de le voir. Hein. Excellent. Bah oui, peut-être, mais j'ai vraiment plus envie, j'ai dormi deux fois ou trois fois devant, non, c'est bon, j'ai passé le cap. Voilà, on essaie d'élever un peu le niveau intellectuel de ce podcast, et voilà, vous voyez ce qui arrive, les gens s'écroulent les uns après les autres. Attends, qu'on parle de mon film, il va pas nous faire un claquage au cerveau. Il y en a d'autres qui vont pas nous faire un claquage au cerveau, non. Ah non. Ok, aucun l'a vu. Enfin, un par Wally, qui adore. Non, mais ça donne envie de le voir. Enfin, je suis curieux. Quand c'est défendu comme ça, oui. J'avais Je sais pas. Hein. Ouais, moi, ça me dérange mission, pas de voir. Moi. Mission complétée. Moi, ça me dérangerait pas de l'avoir, mais je vais juste bien dormir. Hein. Je te trouve sévère. Ah, essaye de le voir, quand même, d'ouvrir ta gueule. Non, mais c'est vrai. Ouais, là, pour le j'avoue elle a, que... Elle a essayé, Louise, de le voir. Ouais, parce que moi, j'ai essayé. Peut-être que c'est chiant. Hein. Moi, je l'avoue, je l'ai rematé en deux fois, là, pour la chronique. Mais moi, qui l'aime, il l'a regardé en deux fois. Mais je l'aime, mais je reconnais, comme je l'ai dit, c'est froid, c'est lent. Tu... Oui, tu t'emmerdes, il y a des moments, c'est... tu t'emmerdes grave. T'as jamais essayé de le regarder en x2 ? En accéléré, ouais, peut-être. C'est un peu plus speed. Non, je l'ai pas, non. Ouais, je l'ai ramené. Après, il a une suite ah, qui est vraiment horrible. Ah ouais ? Ouais, ils ont fait un film d'action cette fois, quoi. Je te le passerai. Mais... Ok. Puis... Je savais pas du tout ça, j'ai pas vu d'infos là-dessus. C'est à sauver. Oui, moi. J'allais le ramener, mais je. C'est vrai. Ah, faut qu'on arrête le P. Non. On peut tromper une fois une E. Non. Bien. Bon, alors en parlant de nos cerveaux, Walid, ça va être ton tour. Oui. Alors, je vais vous parler de Street Fighter, l'ultime combat. Wow. Mmh. Aussi, en québécois, le bagarreur de rue. Voilà. Ah, c'était trop fort. Oui, mais ils se bagarrent pas, ils sont pas dans la rue. Et voilà. Alors, c'est un film de 94, réalisé par Steven Usuza, qui a écrit 48 heures, Komodo, et d'ailleurs 1 et 2. Synopsis, Shadaloo, un pays d'Asie en proie d'une guerre civile depuis des mois, menée par le grand général M. Bison. Shadaloo. Suite à une nouvelle attaque, il prend 63 membres d'une organisation militaire en otage, ainsi Carlos, le Charlie, Blanca, l'ami de Colonel Guy, dont Bison demande une rançon de 20 milliards de dollars contre leur libération. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont la même réaction que nous. Les gens du film 20 milliards, ils rigolent tous. Alors, ça filme avec Jean-Claude Van Damme, Raoul Julia et. Kylie Minogue. Que Van Damme a fait Sonic Boom Boom pendant le tournage. Pendant que Paul Julia est en train d'agoniser. Oui. Qu'il avait un cancer de l'estomac. Le réalisateur. Ah oui, Paul Julia, il est mort avant la sortie du film. Oui, je crois qu'il est hommage à Raoul Julia. Ouais, ouais. Ah merde. Oui. Malheureux. Alors moi, il n'aura pas été honteux. Il n'aura pas. Bah, c'était qui dans le film ? Raoul Julia. Bah, bisous. Bah, il l'a fait parce que ses enfants étaient fans de Street Fighter, c'est pour ça qu'il l'a fait. Bon, ouais, je pense qu'il savait dans quel état il était aussi. Oui, lui aussi. Bah, oui. Non, je pense que maintenant, ces gosses, ils vont détester Street Fighter. Ah oui, il y a des chances. Alors, c'est un film qui a du... en production qui a du mal. Raoul Julia a dit que... Bon, on va parler dans les ragots que Van Damme n'était jamais sur le tournage, c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup. Oui. Et il était tout le temps le nez dans le... Dans la coque. Ouais. Il était à 10 000 $ par semaine au niveau coque. Oh, putain. 10 000 $ par semaine de coque. Elle était ou dans la coque ou dans Calimino. C'est très bien. Bah, c'est ouais. Ah, alors, le réalisateur a dit que je voulais pas faire un simple film de d'arts martiaux. Une ambiance. Les arts martiaux, tu les as pas trop vus. Il a voulu faire un mélange entre Star Wars, James Bond et un film de guerre. J'ai vu rien de tout ça. Ah, oui, je vais faire la chronique des cartes. Il y a la forteresse du méchant, ça fait un peu comme les serials des années 40. Oui, oui, bah, des flingues, et voilà. Il y a des flingues comme dans James Bond. Voilà. Mais... Devinez qui n'a rien vu. Voilà. Avec des phrases mythiques. Hein. Voilà. À part celle-là, non, moi j'en ai plus. Game Over, of course, hein, qui est tout le monde regarde, exact. Ce film, voilà, c'est n'importe quoi, c'est un nana. Pas de baston, on veut voir un Street Fighter sans bagarre. Non, il y a un combat entre Vega et Ryu, il est interrompu au gong, c'est vraiment le truc, il dit, ah si, ça a pété. Ah non. Non. Bah, il a même pas commencé quoi. Et juste, il y a le coup de gong et bam, ça y est. Et bam, le mur il se fait éclater. Voilà, c'est ça. Et il y a Jean-Claude qui débarque. Ouais, Jean-Claude qui nique tout. Même, si, il y a un combat vers la fin entre Zangief et. Ouais, un hommage à King Kong et à Godzilla. Avec les bruitages qui vont avec. C'est vrai que c'est une vous savez que ce film aussi est une chronique dans Nanarland, tellement qu'il est. Oui. Dès qu'on parle de mauvais films, on devrait en parler. C'est obligé. Hein. Une belle bousasse. C'est vrai que. Le problème, c'est qu'ils ont voulu mettre tous les personnages, quoi. Non, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens hors d'un tournoi. Bah oui. Ce serait Mortal Kombat, on y reviendra tout à l'heure, mais ils ont mis quasiment tous les persos, mais il y a un tournoi, donc c'est logique. Ouais, là, il n'y a pas de. Delsim, c'est un scientifique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand t'entends Street Fighter, tu t'attends à la bagarre, quoi. Bah, surtout, ouais, quand tu peux... Bah, tu crois t'as joué au jeu, qu'on lâche pas tous fait. C'est du jeu en main contre un... Ouais, au final, on a quoi? On a Jean-Claude Van Damme qui a des répliques un peu pourries, quoi. Oui, mais ça, voilà. Il fait le Chuck Norris du pauvre. C'est pas peu dire, mais... Parce que concrètement, moi, j'avais jamais vu de film avec lui. Bon, t'as moi, peut-être, d'accord. Mais quand ils disent quoi? Il dit... on n'a plus de... On n'a plus de radar, je sais plus quoi, là. On va naviguer à l'aveugle. Ouais, tu peux ça, oui. Non, mais il a toujours des répliques à la con du genre... Ah, merde, qu'est-ce qu'il disait? Merde. Enfin bref, des répliques à la con. Bah ouais, parce que je pense que même lui, sur le tournage, il dit, bon, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est pas grave. Ouais, ouais. After 7 months of fighting, the civil war in Chateauneuf may have reached the turning point. The capital has just fallen. In December 1994, the forces of freedom will face a power-mad dictator in a struggle for the fate of the world. Kick Bison's ass. I don't think so. You'll have to do better than that. Okay. Yeah! Now, who wants to go home and who wants to go with me? Pourtant, mais je le regarde toujours avec un certain plaisir. J'ai... En fait. Ouais, j'ai du mal à le trouver. Mais moi. Je me fais jamais chier quand je le regarde. C'est vrai. Mais en fait, il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs, il n'y a rien dans l'univers Street Fighter. Non, non. Mais par contre, t'as trois histoires en parallèle. T'as l'histoire de Ryu, t'as l'histoire de Guy, t'as l'histoire de DJ. J'ai quand même un peu le personnage. T'es dans la tête de Van Damme, en fait. Non. Non, mais t'as pas le temps, tant mieux ça. Il y a plein de lieux, il y a plein de personnages, il se passe toujours quelque chose. Non, il se passe toujours une attente en fait, parce qu'il se passe jamais rien. Mais c'est ça, mais ça va vite en fait. Dans deux fois, il y a un combat, c'est que tu mets en place le combat avec des gars. Non. C'est ça. Sagat, il bat pas une seule fois. Bah, on voit personne se battre comme ça. Mais après, moi je suis comme ça, je le déteste pas parce qu'il est. En fait, il est très édulcoré, tu vois. Mais je l'ai vu, gamin, moi. On a tous vu, gamin. Moi, la VHS, je l'ai rippé, les gars. J'ai kiffé, mais c'est nul. Pour le niveau adaptation Street Fighter, c'est nul. C'est nul, mais tu rigoles bien devant, bizarrement. C'est ça, moi je m'ennuie pas, je connais les répliques, ça me fait marrer. Mais avec leur truc, la grosse. Et la grosse couille là, qui tourne, qui sert à rien. Ah bah oui, mais c'est vrai que ça sert à rien, ça vient d'aucun film, d'aucun jeu plutôt. Mais... Non, c'est un film à regarder bourré avec ses potes. Ah oui, ça, ça passe. Ça, bien. C'est un film qu'on peut conseiller pour ça. Ouais. Un film bourré du vendredi soir. Non, si, avec Mortal Kombat des deux relèves, et là, t'as combo. King of Fighters, ouais. Aussi, elle a le. King of Fighters, non, King of Fighters, elle est vraiment chier. Oh, j'ai Ah, j'ai. Tekken aussi. Les... Ah, Tekken, j'aime bien par contre. T'aimes bien Tekken. Ah bah, les combats, ils sont pas mal dans Tekken. Et Dragon Ball. C'est pas un jeu vidéo. Voilà. On va éviter le problème tout de suite. Voilà, ça pourrait. Mais non, Tekken, j'aime bien pour le coup. Je trouve que ça passe bien. Les combats sont pas mal. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais les décors sont. Oui, bah, les décors sont pourris, les costumes aussi. Mais... Voilà. J'ai pas grand chose à dire que. À regarder avec des copains bourrés. Bon, ouais, donc Raphine a un peu défendu. Et oui, tu l'as vu, toi, Street Fighter alors. Moi, je l'ai vu. Mais après, comme je disais, il y a pas mal de répliques à la con, j'arrive toujours pas à mettre la main dessus, c'est pas grave. Mais. Je t'en crois, Freeze. C'est pas pareil, ça. Ça me fait penser à Suisse, dans genre réplique à la con. C'est pareil. C'est même le truc quand même. C'est ça. C'est nul, mais c'est bien en fait. C'est nul, mais tu dis putain, allez, je vais le regarder quand même. Bah, un peu un film de beauf en fait. c'est vrai, c'est ça. Le plus dernier film, c'est quoi? C'est Jean-Claude Van Damme qui fait un bras d'honneur en gros plan. Ouais, c'est vrai. C'était l'affiche. Ouais, c'est vraiment plus. Du coup, ouais, c'est un film de beauf, exact. Ouais. Trop de personnages. Voilà. Oui, à un moment, qu'est-ce qu'il... Ah, je me rappelle ce qu'il avait dit. Bah alors, c'est l'huissier, je viens prendre ton cul. Ah oui, c'est les bonnes salades. Tu vois, ça sort de nulle part, c'est tellement gratuit. En plus, c'est même pas drôle, en fait, que ça en devient drôle. Non, puis aussi des trucs qui ressemblaient à quand Kylie Minogue, elle disait que, je crois, leur sous-marin ou un truc comme ça, ils étaient dans un bateau. Ouais, voilà, qui allait couler. Ah bah tiens, comme ça, on va voir la température de l'eau. Non mais sérieux. Vous vous souvenez même pas qu'Ali Minogue a parlé dans le film. Si, si, elle parle. Pour... Bah, pas des masses, mais bon. On peut se méfier des dialogues français aussi. Parce que... ouais. Non mais je pense qu'en VO, ça devient nul aussi. En hein. VO, ouais, des fois, il y a quand même des grosses disparités entre la VO et la... Non mais dis pas, si Steven De Souza n'a réalisé qu'un film, il y a peut-être une raison. Aussi. Non mais je dis ça comme ça, hein. J'exagère rien, mais bon, ce genre de truc de débilité, peut-être qu'elle avait dit autre chose de débile aussi. Peut-être moins débile aussi. Enfin, une débilité, ça reste une débilité. Mais alors, regarde, t'es là, toi. Oui, mais tu peux... ça pouvait être drôle en anglais et c'est pas drôle en français. Oui, ouais, ça, c'est possible. Tu vois aussi. Tu vois, l'esprit est pas forcément le même. Ah ouais, c'est mal adapté, il y a des trucs comme ça. Ouais, mais je pense que pour Street Fighter, il n'y a pas un gros problème d'adaptation en dialogue. Un problème de tout. Non. Mais des fois, je préfère regarder des fois des films en VO et des fois des films en version française. Parce que des fois, la VO, je la trouve moins drôle. D'ailleurs, en version française, j'ai tellement l'habitude, je l'adore. En VO, c'est un peu bizarre. Non, mais parce qu'en plus, on adore la voix. Bah oui, en VO, j'allais dire, en VO, c'est pas la bonne voix. Mais pour penser, en VO, c'est moins drôle. Et en VO, c'est moins drôle. D'ailleurs, d'ailleurs, si je le regarde en VO, je me dis, putain, c'est pas la bonne voix. Oui, oui, oui. Bah, après, tu veux plus qu'il y a aussi, en fait. En version française, t'as plus de punchline en plus dans Die Hard, quoi. Mais c'est pareil avec SOS Fantôme. SOS Fantôme, en VO, je peux pas. Ils sont pas drôles. Toutes les vannes tombent à l'eau et ça. Ouais, mais c'est ça, foirer, c'est, ouais. Mais ça peut changer un film. Bon, pas Street Fighter, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Mais bon, des fois, faut s'y méfier. Ouais. Le film a cartonné quand même. Bah, forcément, tu mets ton pour un budget de. Pour un budget de 33 millions, il a gagné 100 000. Je pense que 100 000. Je sais plus. Si, c'est ça, c'est ça. C'est parce que les gens, ils avaient rien à faire. Mais non, c'est parce que c'est. Non, c'était Van Damme. Non, aussi, Van Damme. Van Damme, c'était à l'époque, la curiosité. En 94, c'était une des premières adaptations de jeux vidéo. Street Fighter, c'est le jeu vidéo qui a été le plus vendu au monde. Street Fighter 2. Le premier, ouais. Les autres, mais le 2, oui. Et si, à l'époque, un an, faisait vendre un film, Jean-Claude Van Damme, faisait vendre. Et il était assez, enfin, à ses débuts, non, il était au sommet. Non, il était au sommet de sa carrière, là, il était à fond. C'est là qu'il commençait à descendre. C'était un de ses derniers films, ouais, parce qu'après, il y a eu quoi, Time Cop et ce genre de conneries. En Time Cop, oui. Donc après, c'est... Non, mais c'est là aussi qu'il a ramené John Woo, c'est après... C'est après John Woo, Chasse à l'homme, c'est après. Chasse à l'homme, ouais. Il aurait mieux fait que John Woo sur Street Fighter, ça était rigolo. Oui, mais non, je préfère Chasse à l'homme. Oui, mais n'empêche, pour le défendre, ce film, on est encore en train d'en parler, quoi. Il y a des navets, bon, il passe à la case oublie tout de suite, quoi. Ce film, il a fait couler énormément d'encre, quoi. Chaque chronique, chaque podcast de jeux vidéo va en parler, et nous, on en parle aujourd'hui. Jeu qui existe encore, Street Fighter. Non, c'est vrai, il y a eu l'adaptation Street Fighter, le film, le jeu. Ouais. Ah oui. Ça le jeu du film du jeu. Ouais. Ça doit être banal. Avec les personnages en digitalisé comme Mortal Kombat et tout. Ouais. Donc il y a, je pense que c'est bon navet quelque part, tu vois. Ce plaisir coupable du mauvais film et qui passe en fait. Dans Nicky Larson avec Jackie Chan. Il est génial. Oui, mais c'est avec la partie Street Fighter. Génial. Elle est géniale. Et du coup, c'était à l'époque, c'était vraiment le gros carton. C'est là où se tire un peu la bourre avec Mortal Kombat, du coup. C'était la bagarre sur la Nintendo. 2 ans plus tard aussi, Mortal Kombat au cinéma. 95. 95, je crois. Top 95. Bah là pour le coup, c'est vrai que Mortal Kombat est beaucoup mieux. À la base, Van Damme devait jouer dans Mortal Kombat. Devait faire l'acteur digitalisé de Mortal Kombat. Bon, non, aussi il devait jouer. Il devait jouer. Il a choisi entre Street Fighter et autre chose. Oui. Mais il a pas choisi le bon. Il a pas choisi le bon. Non. Bah, vu qu'il est à fond, il est à fond. Et donc, peut-être ça le contraire parce que Johnny Cage en digitalisé. Van Damme en Johnny Cage, je le vois. Normalement, ça peut être lui le personnage digitalisé. Ça peut être. Johnny Cage, c'est lui. C'est pour ça que Johnny Cage a le costume de Bloodsport, le grand écart. Le grand écart de boule, ouais, enfin il est pas seul à le faire. Ça l'aurait fait, mais du coup il aurait peut-être piqué la vedette, tu vois. Que dans Mortal Kombat, bon, c'est quand même Liu Kang et Raiden, mais ça va, il n'y a pas de. Non, Raiden, c'est pas la vedette de Mortal Kombat. Non, mais bon, Christophe Lambert, il crève l'écran, quoi. Oui, ça, quoi. On en parlera. Mais avec un Van Damme, ça aurait été trop centré sur lui, peut-être ça aurait déstabilisé. Non, puis le personnage Van Damme là-dedans, non, on voit pas. Ouais, parce que là, c'était plus une équipe dans Mortal Kombat. Mais c'est ça, c'est exactement ce que je disais. Non, mais l'équipe, il n'y avait pas un mec qui ressortait plus que l'autre, quoi. C'est ça. Non. T'as Liu Kang qui ressortait. C'est centré un peu plus. C'est pas le mec du bouquet qui a sa place. Regarde ça sous le coude, on en parlera. Ouais. Ça fait une transition. Bah non, on va laisser quand même Loïs parler de son film. Non, c'est pas non, c'est fun de passer directement sur Mortal Kombat. Ouais, tu vas revenir après, hein, si tu comprends pas. On va passer Mortal Kombat, du coup, parce que là, du coup, on a raconté les trois quarts de ce qu'on voulait dire, déjà, je sais pas. Ça y est, le film est déjà résumé. Reste cool, sac à merde. Bon, le film Mortal Kombat, alors Mortal Kombat, en fait, c'est juste le nom du tournoi, qui s'appelle Mortal Kombat, qui est... Bah ouais. Et du coup, on l'a fait en québécois ou pas? Oui, combat mortel. Combat mortel, c'est... ça n'avait aucun rapport, en fait, finalement, combat mortel. Bah si, parce que dans Mortal Kombat, tu meurs. Ouais, non, mais Mortal Kombat, le tournoi qui s'appelle Mortal Kombat, parce que bienvenue au tournoi Mortal Combat Mortel, ça fait... Non, ça fait moins bien. Ouais, de toute façon, ça fait moins bien. Ouais, bon, bref. Et du coup, donc c'est en fait, c'est un tournoi qui est organisé par un empereur d'autre monde qui s'appelle Shao Kahn. Qu'on ne verra pas dans cette épisode. Qu'on ne verra pas. Ouais, tout à la fin, en fait. Tout à la fin. Spoil pas la fin de Mortal Kombat, s'il te plaît. C'est pas spoilé. Shang Tsung, le méchant. Alors, Shang Tsung, c'est le sorcier de l'empereur, justement, qui est le chef de ce tournoi et qui organise en place le tournoi, en fait. Et du coup, il s'attaque à la Terre cette fois-ci. Et du coup, il s'attaque à la Terre à un moment, puisque pour ouvrir les portes d'autre monde à la Terre, en fait, il faut gagner 10 tournois, 10 Mortal Kombat, ils en avaient déjà gagné 9. Alors, j'ai une question. Ouais. S'ils perdent celui-là, ça repart à zéro ou... Non, s'ils perdent celui-là, ils perdent le 10e tournoi, donc la Terre se fait envahir par l'armée de l'Empereur. Non, si l'Empereur, justement, il perd ce tournoi-là, bah, normalement, ça repart à zéro le compteur ou pas? Bah, normalement, non, les portes se referment et c'est fini. Oui, du coup, ça repart à zéro. Mais là, on peut pas dire. Ils gagnent 10 fois de suite. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est moche. Hein. Et c'est moche. Et donc le protecteur de la Terre et le dieu du tonnerre, Raiden, choisit... C'est qui Raiden, Julien? C'est notre ami Christophe Lambert. qui est pas dégueulasse, d'ailleurs, non. Dedans. Moi, non, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Je trouve qu'il apporte tout l'humour du... C'est ça, très sobre. Très sobre. Non, il est pas sobre. Avec son petit rire. Non, mais c'est lui qui apporte vraiment tout le second degré du truc. C'est là, il bouge un peu, non? Il a léger strabisme. Ouais, donc, il choisit... entre autres, parce qu'il n'y a pas que ces trois, il y a trois combattants, les trois combattants principaux, mais les élus et les protégés de Raiden, donc c'est Liu Kang, c'est Johnny Cage et c'est Sonya Blade. Alors par contre, il y a un truc quand même bizarre, c'est pas Raiden qui va choisir Sonya Blade et Johnny Cage. C'est vrai, c'est Shang Tsung qui va aller chercher, ouais. Du coup, Johnny Cage, lui, veut se prouver que c'est pas un escroc, que ses films, c'est pas du... Parce que c'est un star de film d'action. Ouais, et c'est un mandat. Et c'est vrai. Et Sonya Blade, elle veut se venger de Kano. Parce que c'est un petit bateau. J'attendais ça. T'as honte, hein? Putain, j'en fais des blagues aujourd'hui, hein, ça rigole pas, hein, t'as vu, c'est mon anniversaire. Une demi-heure sans parler de pédophilie, je trouve que c'est pas mal. Ouais, attends, bouge pas, je peux l'en faire. Hein. Avec moi, même en Mortal Kombat, on peut. J'en étais où en fait? Donc la Sonya veut se venger de ce mec-là qui a tué son partenaire. Voilà. Donc, Tu peux spoiler, vas-y, Mortal Kombat, fais-toi plaisir. Bah, il n'y a pas forcément spoiler puisque c'est un tournoi, donc on sait qui va gagner à la fin en fait, finalement. Oui. On sait que Raiden ne va pas se battre. Alors. Vu que c'est Christophe Lambert, c'est aussi bien qu'il se batte pas. Non, il se bat. Non, c'est vrai qu'il se bat pas. Il fait des éclairs deux fois, honnêtement. Il se bat dans la suite, mais voilà. Mais c'est pas le même. Non, il se bat, il n'y a pas de suite. Chute. Mais il n'y a pas de suite. Chute, on se tait. Il se coupe les cheveux en plus. Oh. Il change de tête. On n'a pas parlé de Goro parce que j'aime bien Goro. Moi, il fait bien rigoler. Bah, moi, je trouve que Goro, il est bien fait. Hein. Goro, il est bien fait. Moi, je vois. Pour un mec dans un costume. Non, puis quand tu connais le jeu vidéo, tu fais putain, c'est. Ça me semble. Bouge pareil, c'est quatre trucs là, c'est vraiment pas vrai. Ils se battent facilement, alors que dans le jeu vidéo, c'est un peu. Et même dans les jeux vidéo. Scorpion et. Sub-Zero, ils sont super bien faits. Les costumes, ils sont super bien faits. Alors par contre, les personnages, ils sont super mal exploités. Ouais, Scorpion en deux. Oui, dans le deux. Ils sont dans le deux. Tout le monde, c'est sur les derniers. Non, ils sont... Le problème d'avoir trop de personnages. Mais c'était des... C'est vrai que les personnages secondaires, mais ils pouvaient pas tout faire non plus. Hein, ouais. Parce que... Et puis, du coup, on a... ils sont aidés par Kitana, la princesse Kitana, fille adoptive de l'empereur. Qui a quel âge? 10 000 ans. Bien. Voilà. Elle a mais 10 000 ans. Elle a l'air d'en avoir 18. un peu. Ouais, non, 18, c'est trop vieux parce que. Ouais, non. Non, 18, c'est trop important. Non, en soi, elle est plus âgée que ça. Elle est beaucoup. Ouais, non, elle doit avoir 25. Enfin bon, on s'en bat. Je sais pas qui c'est d'ailleurs. Non, c'est, elle a jamais. Je me suis un peu renseigné, elle a derrière, elle a pas fait grand chose. T'as regardé si elle avait fait des pornos. Par contre, Sonia Blade. C'est la fille, fille d'Arnold Schwarzenegger dans Last Action Hero. Elle a commencé sa carrière là-dedans. Et entre parenthèses, pour les fans de tennis, c'est la femme à Sampras. Cool. Voilà. Et du coup, elle sait jouer au tennis ou pas? Elle doit juste savoir jouer au boulot. Hein. Merci Julien. De rien. Sur ce. C'était prévisible. Sur ce, mais il me cherche aussi. Je l'ai un peu lancé. Voilà. Snabal. Voilà. Voilà. Ils ont cherché un acteur. Hongkongais, Robin Chou pour faire le pied, pour faire un peu de combat. Oui, mais c'est non, aussi un artiste martial, Robin Chou. Il apparaît aussi dans Dead or Alive d'ailleurs. Ouais. Au tout début, il se fait défoncer la gueule. D'ailleurs, j'aime pas dire le mot sur réalisateur, c'est Paul Anderson. D'ailleurs, parce que j'aime pas commencer par ça, mais c'est, ah, voilà, c'est le réalisateur. Et qui a fait Paul Anderson? Resident Evil. Tous les putains de Resident Evil. Pas tous. Ah. Il a produit tous. Oui. Il a fait Alien contre Predator aussi. Ah. Et il a fait Event Horizon. Et Course à la mort avec Statham. Ah oui, j'aime bien Course à la mort. Et j'aime bien Event Horizon. Ouais, donc, et il a fait Soldier aussi avec Kurt Russell. Mais c'est quand même. C'est pas le même. Un grand réalisateur. Donc. Bah, tu sais, il y a Kurt Russell, le film de Ouais, il est bien, bah non. Ah, oui, c'est le film qui est dans le même univers que Blade Runner. Oui, possible, ouais. Oui, c'est ça. Bah, on le voit pas trop que c'est le même univers. Oui, on voit c'est une carrière. Ils ont caché vite fait, ils ont vu que c'était une douzaine. Ah, c'est pas terrible, hein, j'ai eu du mal. Mais Event Horizon et Death Race, moi j'aime bien. Death Race, c'était rigolo. Faudra qu'on trouve le moyen d'en parler de Death Race. Non, en tout cas, c'était cool. Le film, moi, j'aime bien. Moi, le film, je l'ai vu une vingtaine de fois. Ouais, moi aussi. Pareil, il passe tout seul, ce film. La VHS. Et la bande-son, elle déchire. Ah, franchement, au cinéma, le premier truc, c'est. Oh le putain, t'es à fond dès le début, quoi. C'est vrai que le son. C'est con, mais la musique, elle passe tout seul. Le son, elle est terrible. D'ailleurs, l'album, il a déchiré. Pourtant, c'est une belle merde. C'est 18 fois la même chanson. Pas de jeu téléchargé, on l'a écouté à Quick. Ah oh oui, voilà. C'est vrai. Ça, entre ça et la BO Team Américain. Mais il y a quelques passages qui sont sympas. Voilà. En chacun de nous brûle la fureur d'un guerrier. À chaque génération, quelques élus sont appelés à le prouver. Un de vous trois va déterminer le sort et l'issue de ce tournoi. Trois étrangers vont se rendre dans le mystérieux royaume d'Outre-Monde pour défendre notre peuple contre Shang Tsung. Tu vas mourir. Et les forces des ténèbres lors d'un tournoi millénaire. Une dernière victoire. Ton âme est à moi. Et notre monde leur appartient. Que le tournoi commence ! Mortal Kombat ! Tu ne m'échapperas pas, Chang ! Je n'en ai pas l'intention. Préparez-vous au combat. C'est clair. Et alors, les effets spéciaux numériques, un peu. Ouais, Reptile était moche. Quand même. Ouais, même à l'époque, Reptile. J'ai noté, Reptile était bien dégueulasse. Hein. Bon, Reptile, il y avait ça, on le voit de mille. Ça rien en plus. Oui, ça revient rien. Comment tu fous là, Reptile? C'est histoire de dire. C'est un petit combat. C'est un petit combat. Après, à la fin, il y a un petit combat avec Reptile, c'est vrai. Ouais, mais concrètement, il n'y avait que ça qui était pas beau, en fait, visuellement. Ouais, je trouve. Oui, voilà, c'était le seul. Il y avait l'espèce de vortex pour aller outre-monde, on dirait. Ouais, c'est un peu. Le même manus que ça. Mais pour l'époque, de l'époque. Ça passait, quoi. Non, ça va. Et en même temps, il n'y avait pas beaucoup d'effets spéciaux au numérique, hein, dedans. Non, justement, il y a la petite mini boule de feu à la fin. C'est vrai. Qui nous a sort, là. Ah, il y avait les éclairs à Totof, ils sont foirés. Hein. Les deux fois où il fait des éclairs, ouais, non, c'est très très mal. Bon, moi, du coup, ils l'ont fait très peu. Ils sont pas tombés dans le piège du trop de personnages, trop d'effets spéciaux ou des fatalities et tout, quoi. Que t'attends, ah ouais, mais bien qu'il y ait une fatality, ça aurait été cool. Oui, voilà. Une fatality. Ouais. Si Goro a pu bien écarteler un des combattants qu'on a tué au début, ça aurait été sympa. Ça aurait été je pense pas que ça passe à l'époque. Mais c'est un film pour les gamins aussi. Ouais, c'est un film de. Ouais, enfin pour les gamins. Pour les ados aussi. Autant Street Fighter, je pourrais le montrer à Joseph maintenant. Autant Mortal Kombat, non. Non, quoi. J'attendrai un peu, c'est un plus. Il y a un peu d'arc, mais. Ouais, bah, il y a plus de combats, forcément. Ça, c'était pour les ados, c'est vrai que. C'est surtout qu'à chaque fois, c'est à coup de. Vas-y, tue-le, élimine-le. Et... C'est ça. Ouais. Son âme est à moi, là, il est tué vraiment dans Street Fighter, il y en a pas un seul qui est mort à la fin. Bah, sinon, le jeu vidéo, c'est il est interdit au moins de 16 ans, ouais, avec un Mortal Kombat. Le jeu a eu une polémique, mais c'est aussi un sénateur qui a fait une polémique de tout ce qu'il pouvait. Il est revenu après sur GTA, il est revenu sur plein de trucs. Ça revient souvent, il y a toujours un politique qui fait ça. D'ailleurs, ça avait été censuré, le Fatality. Ils avaient un peu sur Super Nintendo, mais pas sur Mega Drive. Ouais. Sur Game Gear. Nintendo, il y avait un code. Sur Game Gear. Oh merde. Moi, j'avais sur Game Boy, ceci dit. Sur Super Nintendo. Sur Game Boy, j'avais les trois. Allez, ah bah, hey, t'imagines un jeu de combat avec deux boutons, c'était royal. C'était très bien. Appuyer sur ça pour changer et puis voir, tu sais. Oui, bah, comme sur la Mega Drive. Comme sur Mega Drive. Moi, j'avais les boutons, 6 boutons. Moi, sur... Ouais, j'avais la manette pro. Ouais. Ah, les filles, on n'a pas trop entendu sur. Bah, Emily, elle s'est endormie au bout d'un quart d'heure de film. Donc... De Mortal Kombat. Ouais. Mais comment t'as pas le droit. Putain. Bon. Il te demande que tu regardes la ballonne alors, hein. Tu vois. Ah, bah, Ballon, elle est pas là. C'est générique, pas fini. Hein. Ouais, c'est... Non, non, moi j'ai bien aimé. Il était pas mal. Après, c'est une musique que j'avais souvent entendue quand j'étais petite, enfin, la bande-son du coup. Et quand j'ai pu mettre enfin la bande-son sur un film, j'ai fait. Ah, d'accord. C'est donc ça. Ça colle bien quand même. Ah oui. Non, non, franchement, ouais, la musique. Non, non, Même quand t'écoutes la musique toute seule, par contre, c'est pas terrible. Moi, j'ai déjà écouté la musique seule, c'est trop dingue. Moi aussi, mais j'ai toujours les images du film qui arrivent. Ouais, ouais, ouais, mais franchement, j'ai pas. C'est une musique de tuning. C'est la musique où il dit les noms des personnages. Ok, Johnny Cage. Sonia. Ça, c'est un truc de tuning techno années 80. Ouais, mais à l'époque, les mecs, ils étaient à fond. L'époque, c'était ouf. À l'époque, voilà, c'est ça. Faut remettre dans le contexte. Ouais, je me souviens de ce Black Box, là, ce mec, là. Le mec à fond avec sa R5. Ouais, R5, contre ça, et Team America, on était bien. Putain, on était bien. T'imagines, Team America, on passe entre ville de Nantes. Pan, hein. Je te jure. Ouais, bah, moi aussi, j'aime beaucoup. C'est un de mes films de combat préférés, je trouve qu'il passe très bien. Au moins adapté jeu vidéo, je pense que c'est pas réussi. On est sur une bonne adaptation. Je trouve ça C'est-à-dire que dans le lot qu'on a regardé, c'est peut-être un des meilleurs. Quoi. Non. En termes d'adaptation, c'est le meilleur. Parce que Silent Hill, en termes d'adaptation, c'est pas une bonne adaptation. Avalon, ce n'est pas une. Street Fighter, c'est à côté de la plaque. Double Dragon, on en parlera tout à l'heure, j'arrive aussi. Ou on n'en parle pas, on coupe le montage Double Dragon. Ah oui, en fait, j'ai un invité qui m'a parlé de Dead or Alive, et c'est pas Dead or Alive, est une bonne adaptation. Il y a un tournoi et des nichons, c'est bon, ça marche. Ouais, parce que là, c'était pas compliqué. Et en plus, c'est vrai que pour revenir à Mortal Kombat, les persos sont là, ils sont plutôt respectueux de ce qu'on voit dans le jeu. Ouais, en plus, ouais. Ils sont pas tous très bien exploités. Raiden n'est pas exploité pour le combat, et Keno, on le voit à peine se battre. Ouais. Je crois qu'on voit même pas du tout se battre. Ouais, il se bat une fois, il s'est tué, quoi. Il est là pour faire ça. Ah oui, il est là pour ça, c'est vrai. Sub-Zero, il fait le kick une fois, après il se fait buter en deux secondes. Ouais. Mais c'est stylé. Ouais, c'est le combat stylé. On peut pas tout mettre, exploiter tout le monde. C'est Raiden, le lot qui donne la vie. Non, l'élément qui donne la vie. L'élément qui donne la vie. C'est vrai qu'il a fléchi, t'as Raiden qui vient lui poser deux sauts devant lui. Et attends, c'est un artiste martial, c'est pas Einstein. Et je me suis toujours demandé par contre si ça marchait si tu tordais l'eau comme ça. Je pense que le saut avec l'eau sans foutre partout. La scène avec Scorpion aussi, stylé. Hein, le combat, franchement, les combats avec Scorpion. Il y a une fatality, et c'est aussi, je pense, le meilleur combat. Même si oui, il est très bon. Puis c'est flippant parce que c'est la corde dans le jeu vidéo, mais là, c'est une espèce de oiseau avec un bec, avec une corde qui sort de sa main. Ça le fait plus flippant, je trouve. Scorpion était assez moche. C'est très moche. C'est un style, quoi. Oui, mais l'effet est un peu. Mais je trouvais, du coup, le personnage était. C'est genre le méchant, quoi. Tu vois. Le Sub-Zero. Sub-Zero, je l'avais avec moi, c'était mon personnage. Et Sub-Zero, sur le premier Mortal Kombat, c'était un gentil. Ouais, bah ça, il est un gentil. Mais il avait pas une tête de gentil, quoi. Pas une tête de porte-bonheur. Non, clairement pas. Bref, bah, c'est marrant. Voilà. Oh, bah, j'ai fait les mêmes choses que tout le monde. Hein. Si, j'ai quand même noté que l'image, moi j'aime bien. Je trouve que c'est joli. Elle est très comics. Oui. Très bleutée, plein de couleurs. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que le chef-op de celui-là, ça va être le réalisateur non, de l'autre. Et par contre, c'est un mauvais réalisateur. C'est lui qui a fait Annabelle aussi derrière. On en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est le chef-op officiel de James Wan. D'accord. Donc sur les films de James Wan, il est bon, mais dès qu'il est tout seul, il est pas bon réel. Ça a été aussi un chef-op sur les contes de la crypte, sur beaucoup de contes de la crypte. Quasiment un sur trois, c'est lui le chef-op qui est derrière. Il est derrière les meilleurs. Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Et en parlant de mauvaises adaptations, Héloïse, de quoi tu viens nous parler? J'aime bien le mec qui commence déjà à dire. Ouais, déjà, le jugement, toujours le jugement. Le royaume mycose. Voilà. Voilà. Dissidose. Oh, t'es nul. Alors, moi, je vais bien le micro, hein. Je vais vous parler du film Super Mario Bros. Qui est sorti en 93 de Rocky Morton et Annabelle Jankel. Les mecs ont jamais rien fait derrière. Non, même pas le moustachu. Non, mais pas Boskin, oui, non, mais les réalisateurs, par contre. Ouais. Ils sont mis à deux pour réaliser ce film. Oui, ouais. Bon, deux. On travaille à mi-temps. Thérapeutique, alors. Thérapeutique. 50-50. On commence par le résumé. On a tout dit, ça y est. Alors, au départ, on a, quand le film commence, on a des narrateurs qui expliquent que potentiellement, on a quelques dinosaures qui n'auraient pas disparu et qui vivraient dans un monde parallèle sous Terre et qui auraient évolué et seraient maintenant dotés d'une intelligence plus élaborée. Ma foi, pourquoi pas, hein, après... On a vu plus gros. Voilà. Oui, bah, me montre pas du doigt, toi. Ah non, mais parce que j'ai vu le cran. Oui, c'est ça. Et ensuite, du coup, 65 millions d'années plus tard, l'histoire elle se passe dans la ville de Brooklyn. Alors pourquoi Brooklyn? C'est pas une ville en Brooklyn. Parce que ça fait un quartier. C'est pareil. Quel est le rapport avec Mario déjà? Tu sais, ça commence mal. Brooklyn, parce que c'est le quartier italien de New York. Ouais, ouais, mais déjà ça commence mal. Et vu que c'est les Italiens. J'ai toujours des problèmes de vie, des situations de géographie. Voilà, c'est ça. Cliché sur cliché sur cliché. Où on a les deux frères Mario qui travaillent en tant que plombier. Alors pourquoi Mario, Mario. Voilà, c'est Mario. Parce que Mario, c'est le nom de famille. Mais c'était le nom de papa aussi, je crois, qu'ils disaient un moment. Ça devait être pratique à table. Alors, du coup, ils sont amenés à rencontrer une archéologue qui s'appelle Daisy et qui vont l'aider sur un chantier où des canalisations ont été sabotées. Dans les galeries qui servent aux recherches, ils vont découvrir un passage qui les mènera au fameux monde parallèle. Le royaume champignon. Il lui explore la grotte, du coup. Il explore la grotte. Oh, putain, il y a des choses dans la grotte. Il y a des mycoses, mon vieux. Dans la grotte, il y a quand même plein de champignons, hein. Il y a plein de choses. Et déjà, il y a l'effet 3D le plus moche que j'ai jamais vu. Le passage d'un monde à l'autre, il est bien dégueulasse. Je crois qu'ils ont battu le cobaye. Ah oui, c'était... En très très gros, on a Daisy qui va se faire enlever dans ce fameux monde. Ah. Et là-bas, ils vont devoir faire face à la dictature de Koopa, chef autoproclamé, et qui sera bah, du coup le kidnappeur de Daisy, et qui il décide de faire sa loi, tout simplement. C'est le gros vilain. Voilà, c'est le gros vilain qui a transformé l'ancien roi. Il l'a fait désévoluer en champignon. Mycose. Attends. Non, parce que... Fais confiance à la mycose. Mais je les ai relevées, les trois phrases à la con. Hein. Alors, on a fait confiance à la mycose va nous manger et la mycose nous a sauvé la vie. Alors, dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. Non. En général. Dans la vraie vie, fais pas confiance à la mycose. C'est pas la même. T'as fait trop mycose. Par contre, la mycose, elle peut bien nous bouffer. Alors, c'est-à-dire que, sortie de son contexte ou pas, ces trois phrases sont absolument affreuses. Oh oui. Affreuses. À entendre, oui, c'est clair. Non, puis même, en plus, visuellement. Le roi mycose qu'ils ont fait, c'est un vieux truc suspendu à un plafond dégoulinant, c'est rien de plus dégueulasse que ça. C'est une vieille testicule qui se prend. C'est ça. Un espèce de truc qui bave un peu dégueulasse. C'est mon pote. T'as dormi toi aussi. J'ai dormi. Jojo, là, tu fais que de dormir. Jojo, il a regardé Super Mario, au bout d'un quart d'heure, il m'a dit, mais il est où Mario? Il a pas reconnu. À la fin, il a dit, oh, c'est nul, j'ai peur. C'est sûr que c'est la dernière partie du film qui commence à s'habiller. Mais... Non, mais attends, c'est pas facile une salopette rouge que c'est Mario. Déjà, il n'y a pas les coupables. Ah, vas-y, continue. Je pense qu'en termes de résumé, je vais m'arrêter là parce qu'effectivement, c'est une catastrophe. Ce film-là, à part les noms des personnages, on n'a rien d'autre. Ah oui, mais encore, tu sais peut-être pas tout. Mario a une moustache. C'est donc Mario. Ouais, c'est vrai. Et lui, budget, pas de moustache. Il y a des plombiers. C'est bien Mario. Et l'italien, parce qu'il est au cul. Et voilà. Il mange des pizzas. Mais il vient d'où le bros alors, du coup? Ah, brother. Brother. Les frères. Bah, c'est des frères Mario. C'est bro, quoi. Normalement, c'est bro. Bah, bros, bros, c'est pas bro. Hein. C'est bros, quoi. Quelqu'un pour le buffet? Pour le biflet? Et pourquoi Daisy et Papich? C'est une anecdote là-dessus. Parce que Daisy, c'est Super Mario Land sur Game Boy qui était sorti de la même année. Si, Daisy, c'est la copine à Luigi. C'est pas la copine à Mario. Luigi. Et vu qu'un gros peut pas avoir. Ah. Et la princesse Daisy, c'était la dernière princesse en lice dans les jeux, je pense. Daisy, c'est celle dans Game Boy. Ouais, dans Super Mario Land sur Game Boy. Dans Chérie, fais-moi peur aussi. Aussi. Aussi. C'est elle a d'autres ça. Arguments. Avec d'autres arguments. Oh, ouais, mais l'autre, elle a quand même deux arguments. Ouais, tu veux. De Daisy, quoi. Ouais. Enfin, bref. On s'est un peu plus petit, quoi. C'est moins d'arguments, c'est pas ce que je dis. Ouais, mais enfin, ça se tient quand même. Quand c'est petit, ça se tient. Quand c'est petit, ça se tient. Alors, ce film-là, petit, bon, j'ai aimé. Je sais pas pourquoi. Ouais, je crois même petit, je l'aimais pas. Ah, le Yoshi, vous avez oublié de parler de Yoshi qui a traumatisé. Ah, ouais, traumatisé, il est mignon. Mais t'as les petits dinosaures mignons, on est à ce truc-là. C'est pour un petit raptor, genre, il bouffe la jambe. Le mec, il a un petit raptor, il est dans bien déguisé, ça ressemble pas à Yoshi. Il est trop mignon, c'est toi qui es moche. C'était un raptor de. De merde, ça, on quoi. Était loin du Yoshi qu'on a dans les jeux. Ouais, le mec qui choque le méchant, le raptor et le. En fait, c'est le ce mec qui pas vous choque dans le film. On parle d'une mycose géante et vous, vous êtes choqué avec Yoshi. Ah, le roi champignon dans le royaume champignon, ça paraît logique. Bah ouais, mais pas un champignon comme ça. On pense oui, c'est vrai que le champignon est un peu dégueu. J'avoue. Mais c'est la pire image du champignon qu'ils auraient pu prendre. Ah, c'est vrai, la gueule du papa. Ouais, le pire, c'est Todd aussi. Todd qui joue la guitare. Oui, c'est vrai. Non, le pire, c'est le poisson. Pour connaître Todd. La poisson double, c'est la grosse blague dans la boîte de nuit. Ronda, non, en tout cas. Bah, le nom, c'était bloop le poisson, mais ouais, je crois qu'après, c'est Ronda. Ronda, oui, c'est ça. Ronda, ouais. On voit plein de rapports avec les personnages. Ok, bah, à part qu'elle veut gober Mario, mais enfin, c'est aussi, ça. Il y a beaucoup de fallas. On en revient toujours au même problème de caler trop de personnages dans un film. Là, c'est que les noms en plus, c'est pas le personnage. Ah, si, et puis elle est bien rouge comme le poisson. Elle est ça, on est pas. Du coup, bah, là, les gros trucs, là. Non, ça ressemble pas au truc qu'on voit dans les jeux. Ah non, ça ressemble pas, c'est du coup pas. C'est ça, c'est que c'est juste le nom qui est posé sur un... Même pas sur un personnage, sur un truc. Après, en même temps... L'ambiance, c'est Dark. Comparé à Mario, l'ambiance, c'est Dark. L'ambiance, pourquoi ils ont fait ça? Mario, c'est un truc pour enfants, là. C'est un truc, on dirait Mad Max qui a mal tourné. C'est vrai que c'est un peu cyber. On voit dès le début, ils volent des bébés dans la rue et tout. Ils volent des bébés, ouais. Ils volent des bébés, ils bouffent des petits dinosaures. Alors, tu dis, c'est eux-mêmes des dinosaures, mais ils sont pas bien. C'est chelou. Mais en fait, par contre, imagine s'ils avaient refait vraiment, on dit qu'ils ressemblent pas, malheureusement qu'ils ressemblent le pote, ouais, pas un champignon marron avec le pote marché, une tortue. Mais non, je sais pas, il aurait pu y avoir un code couleur, bah, un truc. Pourquoi un peu plus... adapter Mario déjà de base? Ouais. Ça aurait pu être sympa. Mais... Bah non, ouais. C'est inadaptable Mario quand tu regardes les seule adaptation qu'on peut avoir, c'est en animé. Ouais, en animé, puis même on... là, ils ont vraiment adapté pour le coup, mais ils sont passés à côté quoi. Ils ont adapté pour. Oui. Voilà, mais bon, comme toujours. D'ailleurs, pour une fois, c'est une vraie adaptation, ils ont pas juste bêtement appliqué la même chose que ce qu'il y avait à l'écran, mais bon, ben... Où sommes-nous? Dieu, mon avis, on n'est plus à Brooklyn. Daisy! Lâche-la tout de suite! Ils sont frères. Ils sont plombiers. Oh non! Mario! Luigi! Ils sont sur la piste. Daisy! Une princesse kidnappée. Et d'un mystérieux fragment de météorite. C'est magnifique! Quiconque possède cette pierre détient le pouvoir. Devient maître absolu de l'univers. Apportez-moi la pierre! Viens la chercher, vieux tétard! Plombier! Il leur faudra sauver la princesse. Étranger en fuite. Et regagner la sécurité. À plus tard, les lézards. De notre monde. Avant qu'il ne soit trop tard. Fouillez-les. Feu la volonté. Mario, attention. Allez-y. Oh, ça s'arrête pas. J'en ai assez. Super Mario Brothers. Ceci n'est pas un jeu. Bah, moi j'adore ce film. Ouais, j'ai du mal. Hein. Moi j'aime bien aussi. Film. Non, Il est bien, mais pas un nouveau Mario. Bah, si on oublie le côté Mario, ça passe. Vaut mieux Mario. Sinon, il est trop cool. Il est what the fuck à mort. Il est drôle, il est fun. Il se passe trop de trucs. La dernière fois que tu l'as revu, c'est génial. L'univers est génial. Après, il y a le côté, moi, j'ai découvert quand j'étais gamin. J'y attache beaucoup de souvenirs, mais je trouve ça super cool. Bah, il est marrant, mais en termes de qualité, c'est... Il ressemble à rien d'autre, tu c'est incomparable. Street aussi. Fighter, Mario, c'est un vrai Street Fighter. Ah, je suis pas sûr, tu vois. Mario, je me fais un peu chier. Ah, là, je suis pas sûr. Moi, je choisis que j'ai préféré Mario, tu vois. Mais c'est un peu le même genre de navet coupable qui passe, pour moi, tu vois. Et même, j'aurais le choix, je regarderais Mortal Kombat. Oui, non, mais c'est différent, celui-là, tu vois, on disait d'accord pour dire que Mortal Kombat, c'était pas mal. Ah oui, c'est vrai. On vous a dit qu'il était bien. Il est bien. Il est bien, c'est bon. Non, Mario, il est drôle. Mais j'ai réussi à le revoir, Mario, c'est... D'un côté, je sais pas aussi, cet univers à Demolition Man, en effet. C'est vrai, ouais, Demolition Man. Bah, c'est-à-dire que, malgré tout, ça passe tout seul, en fait. Ouais, ça passe tout seul. Ça dure pas trop longtemps, long, ça passe assez vite, mais t'as un moment où ils arrivent dans le désert, je sais pas pourquoi. Parce qu'une scène dans le désert, cette scène-là, j'ai zappé quand j'étais... Quand j'ai revu là, j'ai dit... Après, ils ont le désert Calari, quand tu connais Super Mario Kart qui est sorti l'année d'avant, tu dis, ah ouais, d'accord, petit clin d'œil Mario Kart. Mais dans Super Mario Bros 2, il y avait du désert aussi. Oui, mais enfin, Super Mario Bros 2, qu'on a eu en Europe, c'est pas un Mario à l'origine. Ah bon? C'est Toki, je sais plus quoi. D'accord. Mais il était particulier dans le gameplay, il fallait choper des légumes et tout, c'était bizarre. On a aussi une partie désert dans... Mario et Luigi, partenaire du temps. Oui. Mais ça le désert, on le voit beaucoup dans Mario 3, il y a un désert, il y a souvent un désert dans Mario, les niveaux de dans le film, c'est bien. Bah, tu sais, ils sont en bagnole, ils foncent dans une espèce de tunnel, et les voitures sont électriques comme des auto-tamponneuses d'ailleurs. D'accord. Ils sont dans une espèce de tunnel, il y a écrit après plus d'alimentation, puis pff, ils arrivent dans un désert. Ah ouais. Et ils en repartent en 10 secondes, quoi, ils sont dans le désert, on va mourir. Puis après, ils sont revenus à la ville. Il y a la ville souterraine. D'accord. Mais en fait, tout autour, c'est le désert. Ok. Et là, on est un peu dans du Judge Red, si tu veux. Ah, ok. Et par contre, si, j'ai quand même noté, il y a une musique d'Alan Silvestri. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a été foutre là-dedans? Il a payé. On l'a pas prévenu. Il y a Bob Hoskins, moi j'adore Bob Hoskins. Moi j'adore, mais j'aime bien le jeune Exavo, pareil. Qu'est-ce qu'il fout là? Je trouve que leur duo est cool. Ça rappelle, c'est l'époque de Roger Rabbit et tout. Ouais, c'est 4-5 ans pour Roger Rabbit. Ouais, mais c'est la même époque, 4-5 ans, il n'y a pas de génération, tu vois. C'est, il y a l'humour de l'époque, tu vois. Il y a l'humour, la bonne ambiance, la bienveillance aussi, tu vois. C'est... La bienveillance, ouais, peut-être. C'est un film où je n'aurais pas son prétention, mais tu vois, qui est... C'est un film que tu peux présenter à tout le monde. Ouais, tu vois. Bah non, Jojo, c'est un film pour la famille. Jojo, il a eu peur avec Super Mario. Mais quand il encore, évolue il ou quand il Je l'ai pas vu. Si Danny Super devient coupé à la fin, ça y est. Faut avoir dans 10-12 ans, tu vois. C'est bon. C'était moche. Quoi. C'est moche. Vas-y, il m'a surtout dit j'ai peur, c'est moche, quoi. Surtout le moche. Oui, bon. Enfin, c'est un peu comme dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Bah non. Bah si. C'est bien fait qu'il veut la peau de Roger Rabbit. Ouais, non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est un truc tout public, mais bon, au final, quand t'as le bonhomme qui passe sous le rouleau compresseur avec ses yeux qui ressortent... Ouais, ou la scène... Bah, ou les Indiana Jones, la fin de chaque Indiana Jones. C'est quand j'étais petit, ça m'a fait trop peur, j'ai la peau qui... Ouais, mais on dit que c'est un toon. Avant qu'il meure, on dit quand même c'est un toon, c'est un dessin animé. Oui, mais quand les gosses... Comme Grimlis, ça m'a jamais traumatisé. Grimlis m'a jamais traumatisé, et Roger Rabbit, ça me fait rire quand ils font à la fin, mais bon. Comme The Mask, ça c'est pareil. Mais The Mask, il n'y a vraiment pas de mort pour le coup. Ouais, mais il y a des trucs violents. Ah bon, ouais. Bah par exemple, le mec, quand il se sert de sa bouche comme un tee là pour le golf, et tu vois, c'est une scène un peu gangsta avec la musique. Un peu violent, pour un gosse. Ouais, c'est un enfant, c'est impressionnant. Ouais, parce que j'ai pas été choqué par The Mask. Après, c'est le coup. Pour le coup. Ouais, j'avais noté, je trouvais que Mario était malsain quand même, je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Non mais oui, c'est l'univers est plus sombre. Faire la promotion d'Amicos comme ça, c'est pas bien. Non mais l'univers est sombre, ouais. Mais il est fun. Ouais. C'est un film comique dans un univers sombre. La scène où il dévale les tuyaux là en Warp Zone. C'est vous avez toujours voulu voir ce qui se passait dans les Warp Zone et voilà. C'est marrant. Et du coup, à noter que... C'est la première adaptation de jeux vidéo au cinéma, je crois. Ouais. Mais c'est aussi une des pires. C'est vrai que c'était la toute première, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est une des premières. C'est la première. C'est la première officiellement. Ouais. Ah, okay. Mais aussi une des pires. Donc, du coup, ils sont attaqués. Ils ont essuyé les plates. Ils ont testé. Ouais. Non, mais c'est vrai que t'as des trucs qui étaient plus simples à adapter. Ouais, ça a peut-être fait une transition après, donc j'ai appris tout à l'heure. Après, non, c'est première adaptation en prise de vue réelle. Donc, effectivement, ils étaient. Parce que des Mario, il y a eu des dessins animés Mario avant. Ouais, parce que je veux dire, c'est que. Au final, même si en termes de qualité, il est juste nul. Ah oui. Mais il est pas si mal que ça. En fait, dans l'histoire, ça passe plutôt bien, comme on disait tout à l'heure. C'est pas Uwebol, c'est vrai. Mais en plus, ça passe plutôt bien. Et pour une innovation, c'est pas si mal que ça. C'est relativement bien. Parce que Avatar, ça a été une innovation en 3D, c'était quand même au-dessus de Mario. C'est pas parce que tu innoves que ça parle de tout. Tout le monde n'est pas James Bah oui, c'est la preuve. James Cameron qui enfonce Avalon et au passage, et le Maroochy, qui ont inspiré Matrix. Ouais. Donc non, je juste reviens pour voir le film qui est le seul bon film présenté. Ah oui, mais tu as bien dit toi-même que ton film était chiant, t'avais dû le voir en deux fois, non? Chiant, mais bien, c'est les prix à payer pour de l'art, monsieur. Mais nous, on parle de trucs que tout le monde a pu regarder tranquillou au fond du canal. C'est pas un chronique pour de l'art, c'est un chronique hein, pour de la merde ici. Sans transition, du coup, Olivier. Mario est disponible sur YouTube quand même, gratuitement. Ouais. En bonne qualité, en qualité VHS. Et ben, je sais ce que je vais me faire ce soir. Un bon petit super. Vous avez envoyé des liens sur le. Dans notre fil. Je lis pas vos messages. Sortis de. Tu m'intéresses pas, exactement. Bon, allez, si t'avais été enculé. Trop violent. T'as vu, il a parlé avec le cul. Trop violent, quoi. Pourquoi je suis violent, au coup ? Franchement, quoi. Il y en a qui aiment ça ? Oh. La loi, c'est moi ! Bon, alors, du coup, puisqu'on parlait d'adaptation facile. Facile ? Non, ça, c'est ouais. Julien, les trucs faciles. Ouais. Non, on parlait d'adaptation facile, et ben, ça me lance moi-même. Moi, je. Bah oui, parce que moi, je vais parler de Double Dragon, qui pour le coup est comme très simple à adapter, puisque t'as deux Gugus qui tabassent une ville entière jusqu'au chef. Entière. Voilà. Entière, ouais, une ville entière. Ouais. Après, ça dépend. Une ville entière aussi. Ouais, ouais. Ta gueule. Bon, en tout cas, ça aurait été plus simple à adapter que Mario quand même. Oui, mais il est mal fait. Non, mais là, il n'y a rien. Mario aussi, il est mal fait. Ouais, non, mais c'est divertissant, bah, c'est chiant. Il y a différents degrés de mal fait. Différents degrés de mal fait. Mario, c'est Oscar à côté de Double Dragon. Double Dragon, on est au niveau 0-1. Bon, ok. Le niveau sorti direct en VHS, et on l'oublie. Il est sorti au cinéma et je l'ai vu au cinéma. C'est bien ta suite. Bah, un peu, j'ai un peu regretté. Mais il est toujours mieux que les adaptations du V-Ball, quelles qu'elles soient. Vous avez peut-être pas vu les adaptations du V-Ball, on remarque. On va afficher ça. La boule. Alone in the Dark, House of the Dead, Postal. Postal. Au bout de 10 minutes. C'est tout à chier. Hein. Y a rien qui a gardé là-dedans. Mm-hmm. Bon, allez, je vous fais le résumé de Double Dragon. Là, je vous sens chaud. Ouais, vas-y. Oui. Allez, New Angeles 2007. C'est un film futuriste. Le futur, donc. Le méchant Kokashuko a chouré une des deux parties du Double Dragon à trois cascadeurs déguisés en moines. Le médaillon lui donne le pouvoir de l'esprit. Ça change tout. Ailleurs, dans New Angeles, les frères Lee, dégueu et démo, pour reprendre la meilleure blague du film, ils font une finale de karaté. Bah oui. D'accord. Il y a eu un temps de réaction assez long. Ouais, j'ai regardé, je fais ah, dégueu Lee. Et c'était la meilleure blague du film, attention. La seule qui m'a fait rire quand j'étais petit. Bon, en tout cas, ils foirent leur finale de karaté parce qu'ils savent pas se battre, c'est deux tanches. Ouais, il y en a un qui sert à rien, mais il le laisse se battre tout le temps alors qu'il sait pas. Sur le chemin du retour, leur nounou leur parle du médaillon qu'elle porte, et par un heureux hasard, c'est l'autre partie du Double Dragon. C'est bien fait quand même. Et c'est la force physique. Après, elle meurt en leur léguant le médaillon, au plus mauvais des deux, parce que si elle l'avait laissé au bon, ça aurait été trop simple. Et puis, de toute façon, elle s'en servira pas. Sauf à la fin, ils vont faire un très joli cosplay. Ah oui. Voilà. J'ai un peu spoilé la fin. Ah merde alors. Même nos auditeurs ne pourront pas voir ce film, du coup, dégoûté. Bah, bah disons qu'ils vont savoir qu'à la fin ils sont très mal déguisés. Ouais. Voilà. Tiens, j'ai même pas. J'ai écrit qui l'a réalisé ce film à la con. Ah, c'est un. Yukish. Yuri Yukish, un truc comme ça. Ah oui, oui, c'est ça. Yukish. Dans nos fonds. Ouais, James Yukish. Oh Yukish. Et putain. Ancien Clipper. Ancien Clipper, et il y a Paul Dini qui a écrit. Oh putain. Le mec qui est derrière la série animée Batman. Merde, ça je l'ai pas vu. Batman. Bon, pour le coup, dedans, on a Marc Dacascos, qui est le seul acteur qui s'en sort. Non, j'ai. Robert Patrick. Non, mais il s'en sort pas dedans, je veux dire. Non, Robert Patrick, Patrick dedans, c'est... non, je suis désolé, il s'en sort Milano, pas. Quoi. C'est vrai qu'il y a Robert Patrick et Alyssa Milano. Robert Patrick, il est coiffé avec un putois, et Alyssa Milano, on n'en parlera pas. Hein. Donc oui, Alyssa Milano, effectivement, qui a joué dans Charm des Commandos. Ça va faire plus. Madame, servi, quand même. Alors, attention, En version. J'aurais dû filmer la tête de Julien quand il a dit Madame est servie. Bah voilà. Oui, mais bon, elle est servie, elle est servie. Bon, il est sorti en France en 94, donc peu de temps après Mario au final, et avant Mortal Kombat. Ouais. Enfin non, 94 aux USA, 96 en France, pour profiter du succès de Mortal Kombat, du coup. Oui. In 2007, Los Angeles. The city has changed. Cops rule the day. Punks rule the night. And one man wants to rule them all. There's only one thing he needs to succeed. This is only half. Find me the other half now. And look who's got it. It magnifies the power inside you. This half gives power over the body. All right, so where's the on button? Now, two brothers will stop at nothing to protect their half. Look out! And a madman will stop at nothing to possess it. You're gonna love this. Let's have some fun. Wants gum. If they succeed, they're heroes. But if he does, they're history. Watch your step. Time to skin you guys. T2's Robert Patrick, Scott Wolf, Mark Dacascos, and Alyssa Milano, Double Dragon. You said it. We don't really have to wear these, do we? Voilà. C'était bien. Ah oui, quand même. Ah oui. Bon, ouais, j'ai réussi à le voir en entier, mais je me suis fait chier. Pour le coup, je dois avouer, il y a un vu ce matin en anglais, je me suis fait super chier. Ah oui, mais celui-là que tu vois en VO ou en VF, tu vas t'emmerder. Et en plus, je crois qu'il y a des scènes en plus. En... Oh merde, c'est vrai. Oui, il y a des pubs en plus, c'est genre Robocop. Ah oui, d'accord. Et non, du coup, il y a un côté familial qui fait que chaque combat bah, n'a pas lieu quasiment. Hein. Ou alors, c'est un combat de chatouille. Oui. On parlait de direction artistique qui était plutôt réussie dans certains films, ben là, c'est pas le cas. Tu vois même le tremblement de terre là, qu'il y a eu au début, là. On voit juste une meuble qui c'est ça, bah, secoué, il n'y a rien qui bouge. C'est ça. T'as les mecs qui regardent droite à gauche. Mais non, mais ils ont imprimé des immeubles sur des cartons, puis ils ont secoué sur un plan fixe. Ça fait un tremblement de terre à 10 balles, c'est bon. Ou quand, il y a l'idée, Bobo, là, il se fait prendre comme ça, là, j'ai vu avec Loïs, il se prend la main comme ça, les autres sont juste à côté, il regarde. Bah oui, mais de toute façon, je pense que le mec dans le costume il pouvait pas faire grand chose. Hein, non, au début, avant qu'il se fasse. Avant qu'il soit lobotomisé, transformé. Ouais, il était déjà bien con, hein, du coup. Et il était comme ça, les autres, les deux chinois tenaient de l'autre côté, mais la main comme ça. Ouais, il est vivant. Chaque combat est loupé. Alors attends, il y a les deux chinois qui lui tenaient par la main et t'as l'autre qui lui tenait par le cou avec son fouet. Alors elle traînait, comme ça, elle le promenait en laisse, le fouet. Ah, ça inspire Julien, ça. Traîner en laisse par le cou. Avec une expérience à raconter? Non. Non, ça va? Non, moi je suis sain, monsieur. Tu suis sain? Je suis sûr. Ouais, tu suis sûr. Je suis pute. Tu suis pute, ah oui, ça m'étonne pas. Et bon, bref, donc, le dragon, et ben c'est, ouais. Je l'ai regardé, mais je peux pas dire que j'en ai tiré autant de plaisir que d'autres films. Non, il était... Et pourtant, j'ai beaucoup de, on va dire, de patience avec ce film ou de tendresse. C'est vrai que je l'avais vu au cinéma, je me suis dit, c'est mauvais, mais pas. Bah si. Si, le pire, je crois que c'est la scène où t'as tous les gangs qui les attaquent et où ils s'enferment dans la maison, enfin dans le hangar. Je sais pas si c'est un petit clin d'œil à La Nuit des Morts Vivants ou juste s'ils savaient pas quoi foutre. Ils savaient pas quoi foutre. Du coup, il y a une cabane là. Allez, c'est ça. Vas-y les mecs, faites semblant de faire quelque chose. Et où t'as le postier qui se jette au sol. Il saute du toit, mais il les vise pas quoi. Juste, il s'écrase comme une merde au sol. Même les acteurs sont surpris. Non, il y a pas. Voilà. J'ai noté mauvaise adaptation, combat foireux, pas de charisme. Il y a pas beaucoup de combat. Il y a pas Marc Dacascos qui fait quelques coups de pied retournés, mais voilà. Après il y a pas grand chose. Il sert à rien. Il y a la scène dans le cinéma quand il s'échappe qui est pseudo rigolote, mais. Oui, voilà. Ils n'arrêtent pas de crier. Ah oui, ça écrit. Oh putain, ça écrit. Ils crient, ils font des choses. Il y a quand même plus de combats dans les autres. dans les autres films qu'on a pu voir. Il y a plus de combats dans Mortal Kombat. Ah oui, Mortal Kombat. Et je suis sûr qu'il y a plus de combats dans Silent Hill. C'est à part Mortal Kombat parce que c'est une bonne adaptation. Ah, même dans Silent Hill, il y a plus de combats. Il y a même plus de combats dans Street Fighter. Le combat de fin dans Street Fighter était. Ah, si. Bah, il y a un combat de fin aussi dans Double Dragon. Il rentre dans son corps et lui met des baffes tout seul. Oula. Pourquoi tu te feras là? C'est un film de gamin. J'ai vu Joseph, celui-là, Joseph, il a réussi à le regarder. Ah, d'accord. Et pourquoi quand Patrick, Robert Patrick qui se parle, il a toujours la voix de Marc Dacascos, même en VO? Oui, mais ça, c'est pas logique. C'est juste pour qu'on comprenne bien que c'est Marc Dacascos qui est dans son corps. Ah, d'accord, parce qu'on est tellement dit. Parce que ça marche pas dans les autres cas. Par contre, quand c'est Robert Patrick qui est dans le corps de la nana, là. Ah, oui, quand même. Voilà, j'attendais la réflexion de Julien. La nana a sa voix. Okay. Elle a pas la voix de Robert Patrick. Mais vu qu'on est un peu con et que c'est la fin du film, ils se sont dit, bon, attends, on veut du moins de 5 ans, faut qu'ils comprennent. Et du coup, pourquoi tu es tenu à nous parler de ce film, Olivier? Parce que moi, je l'aime bien quand même. C'est pas logique de nous commenter chaque mois des films les plus pourris. Non, Killer Clown, c'est un bon film, mais je t'emmerde. Je le maintiendrai. D'ailleurs, la preuve, il y a une Funko Pop de Killer Clown, c'est bien. Je suis au sommet de la hype, moi, monsieur. Bon, c'est vrai que Double Dragon, il n'y aura jamais une figurine à leur gueule. Et le monde aurait dû l'oublier. Oui. Mais il ne faut pas oublier. Mais le monde l'a oublié. Et j'aurais pu parler encore pire et de House of the Dead. Oui. Je me le garde pour une autre fois. On peut pas se permettre. Voilà. Bah, ça conclut notre émission. Hein. Merci. Bah, pourquoi vous l'avez pas vu, Double Dragon, vous? Moi, j'ai oublié ce film. Je pense que c'est volontaire. J'ai collapsé. Je pense que c'est volontaire. Une vraie bouillasse. Même pas nana, une vraie bouse. Non, c'est une bouse, ouais. Il y a même pas un côté sympa. Street Fighter, tu vois, il y a un côté nana, mais là, c'est... Même Mario, ça passe mieux. Génial, Mario. Faut arrêter de cracher sur Mario. Mais c'est pas si mal que ça. Faut arrêter de cracher sur les mycoses, les enfants. Super, il y a des chaussures qui rebondissent et tout. Ah oui, c'est aussi... Pourquoi mettre des chaussures pour rebondir? Mario, il saute, c'est tout. Parce qu'il pouvait pas sauter sur le champignon, cette fois. Il est gros, faut l'aider. Voilà, bravo. Il a bouffé trop de pizza, Mario, il a un gros cul. Bon, est-ce que quelqu'un a des recommandations à faire? J'en ai noté encore, moi. En adaptation ou... En termes d'adaptation, jeu de vidéo, enfin voilà quoi. Bah, du coup, pour quelqu'un encore qui s'est planté de film, je ne dirais pas qui, Double Dragon avec Jackie Chan est pas mal. Ah oui, d'accord. Donc c'est Twin Dragons. Ouais, c'est pas Double Dragon. Oui, bah écoute, pas toi, au moins t'as vu un bon film, toi. Moi j'ai vu une merde. Franchement, il était excellent. Ok, ça n'a absolument rien à voir avec le thème de notre podcast aujourd'hui, mais énorme dans le sens où le mec il a fait tous ses effets tout seul. Parce que bah, du coup, il s'agit de jumeaux. Mais forcément, tout le monde sait que Jackie Chan, il n'y en a qu'un seul. Et il y a des scènes où vraiment, je ne sais pas comment il a fait, ça doit être ultra épuisant. Bah, il y a des chances, oui. Voilà, c'est-à-dire il y avait une scène dans la salle de bain où on voit plusieurs fois Jackie Chan changer de coin et tout ça, et c'est il a fait tout ça en une seule prise. Ouais. Voilà. Bah avec une même bonne organisation. Voilà, organisation. Cas, ça passe. Je bon. Cherche le film avec eux, je vais devoir recommander. Ah, tu t'en souviens même pas? Ouais, le titre est un peu. J'aurais bien aimé voir Détective Pikachu aussi. Ah, c'est vrai que moi aussi ça m'a presque branché. Ouais. Au début, je me suis dit, ça a l'air con, et j'ai vu tellement de bons retours sur ce film que je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être bien. Et j'ai vu vachement de bons retours, mine de rien. Après, mais par contre, je connais pas le jeu, donc. Bon, Julien, t'as des recommandations à nous faire, toi, au lieu d'ouvrir ta gueule pour rien? Non, pas comme ça. Non. Bon, bah, ta gueule. Il y a un jeu Walking Dead? Il y a deux jeux Walking Dead au moins. Alors, pour Street Fighter, c'est un film qui une trilogie qui s'appelle Un seul deviendra invincible avec Scott Atkins. Et Michael J. White aussi. Et le premier avec Michael J. White. Voilà. Ça, c'est bien ça. Mais c'est pas des adaptations de jeux vidéo, c'est un film de tournoi en prison. Voilà. Et toi, Raph, t'as quelque chose à nous dire? Ta gueule. Bah, écoute, au niveau adaptation de jeux vidéo, on est vraiment bien servi. Hein. En général, c'est pas souvent à côté. Je pense qu'on a parlé des principales. Principaux alors. Les principaux, c'est. Non, des principales adaptations. Ah, pas mal. Je te donne une question. Ah, joli, joli. Pokémon. Principal, c'est calme, comme ça. Non, je sais pas, ouais, tout à l'heure on avait parlé. Tout à l'heure on avait parlé de Tomb Raider aussi. Ah, Tomb Raider, c'est pas terrible. Le troisième avec. Comment ça s'appelle? Ah, le reboot de Tomb Raider. Le reboot. Il est pas mal. Il est super. Moi, je trouve vraiment bien. Le jeu en soi, le reboot, est vraiment ça, super vrai, bien. Mais le film aussi. C'est vrai, je la télé. Ambiance plus dark, plus réaliste. Juste un peu la fin. Tu peux te lâcher les couilles quand tu parles, s'il te plaît. Ça, j'ai un peu la poche. J'ai bien apprécié. Ouais, elle serait pas de poil les couilles, regarde. Ah, peut pas. Ça ressemble à la chat, hein. Ah, un lancement de nouveau truc. On produisait pas là-dedans. Oui, justement. C'est qu'à le dire. Mauvaise phrase. Bah, on a dit Tekken, toi. Ouais, Tekken, moi j'aime bien. J'aime beaucoup Tekken. Bah, il y a le 2. Ah, le 2, je sais pas. Mais le 1, il est sympa. Et il y a Gary Daniels dans le 1, donc. Cochon, bah oui, bah, il connaît bien, qu'est-ce qu'on y fait. Donjon et Dragon, sorti il y a longtemps avec Marlon Wayans. Et Bruce Payne, c'est lui qui joue le méchant dans Passager 57, dans Highlander 4. C'est Bruce Payne. Avec Christophe Lambert. Ouais, Highlander 4 avec Christophe Lambert, justement. Ça va ? Je l'ai pas terrible, Donjon et Dragon. Non, Donjon et Dragon, il est bien taché. Bon, il y en a eu deux. J'ai quelques marges, ça me pertine la collection de navire, moi. Et il y a la sortie de Sonic l'année prochaine. Oui, c'est vrai qu'il y a Sonic. Non, mais ouais. C'est aussi con qu'adapter Mario, hein. Adapter Sonic. Oui, c'est vrai que. C'est l'idée, c'est aussi débile. Il a été repoussé. Enfin, oui, pour refaire tout le design du truc. Ouais, on a vu, ça ressemble plus à Sonic. C'est mieux quand même, c'est mieux. Mais bon, on jugera aux pièces quand ça sera fini. Voilà. Ah, sinon, moi, en recours, justement, je pensais au Crust de Karim Debache, puisqu'on en a tous parlé. Oui. Ah, oui. Je pense qu'il y a Silent Hill dedans, il y a Street Fighter, il y a Double Dragon, il y a Mario. Il y a Mortal Kombat, évidemment. Et je crois qu'il a Mortal Kombat 2 aussi, lui. Ouais. Il l'a fait, Mortal Kombat 2. Il a fait le Street Fighter 2. Karim Debache, dans ses coups. Il a fait Future Cops, le Street Fighter Cops. Il n'y a pas aussi Rainbow Six Siege qui va sortir. Il n'y a pas un Ghost Recon ou un truc. Non, c'est Rainbow Six qui va sortir aussi. Ouais, ça fait longtemps qu'ils en parlent de Rainbow Six. Est-ce que ça va être fait? Il me semble que. Et sinon, moi, je conseillerais aussi la série, la web série Mortal Kombat Legacy, qui était vraiment très très bien, qui existe en Blu-ray, donc qui est dispo sur YouTube. Mais elle est vraiment très bien faite. Ils vont faire un film Mortal Kombat de. On n'a pas été là. Michael J. White ? Non. Parce qu'il est lié dans Mortal Kombat Legacy. C'est James Wan qui prend. Ah ouais ? Oui. Et si c'est bel et bien Michael J. White qui est encore aussi à la pro et dans le rôle de Jax, ça peut être sympa. Oui, mais c'est James Wan qui est dessus. Bah, James Wan, ça va essayer ce qu'il fait. Mais sinon, moi j'aime bien le jeu SOS Phantom sur PS3. Oui. C'est une adaptation d'un film en jeu, mais pour le coup, celle-là, elle est vraiment cool. Ta gueule, toi. Putain, même quand tu dis rien, tu m'énerves. Cochon. Voilà, cochon. Le mot de la fin. Voilà, cochon, mot de la fin. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait un petit tour non exhaustif de ce qu'on a dans stock. Donc si en recommandation, évitez les films du Uwe Boll. Oui. Surtout. C'est ça. Si vous voyez Uwe Boll, barrez-vous. On a oublié un truc. Ah. Est-ce que vous avez vu Dead or Alive? Oui. J'ai un invité justement qui m'en a parlé. Tu m'as fait voir. Ah oui, toi je te l'ai fait voir, oui, ça. Voilà, adaptation. Il y a rien de spécial, quoi. Truc de beauf. Truc de beauf, oui, mais en plus. Ah oui, non, là c'est vraiment un truc de beauf. C'est vraiment un truc de beauf. C'est des trucs cochons. Truc de beauf, quoi. Mais le truc, c'est que normalement le jeu était vraiment un bon jeu de combat et là. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Le jeu est réputé pour ses mouvements en poids de poitrine. Oui, leur moteur physique. Mmh. Ah oui, mais bon. Mais quand même, il a un bon système de combat. Mmh. Je trouve pas mal, mais là, le film, il n'y a pas de combat. Par contre, il y a des poitrines. Oui, non. Oui, il y en a certaines qui ont. Bah, disons qu'elles sont toujours en bikini, de toute façon. Voilà. Voilà, pratique pour se battre. Bah, c'est la meilleure tenue possible. Ouais. T'es jamais gêné par les mouvements, du coup. La prochaine étape, c'est les combats à poil. Et c'est produit par notre ami. Anderson. Ah ouais. Bah, déjà, que ce soit réalisé par Corey Yuen, ça m'a un peu fait bizarre, mais produit par Anderson, ça me paraît plus logique. C'est un film familial avec des nichons. Oui. Voilà. Avec un scénar de. Ah, il y avait un scénar ? Oui. Le scénar, il est tout pourri. Ah, il y a Eric Roberts qui est tout pourri aussi. Merci. Allez, à la prochaine. Salut.